Olivier s'est fait au bonheur d'après un sentiment. Et Lydia ou d'envie, que c'est lui le patron. S'il il a dit oui, il faut pas qu'il vous dit non. La mer, le ciel, le soleil, tout ça, elle est bien jolie. Mais Créoli aime aussi quand son petit Catherine, elle est dans son lit. Ça l'est momentané, mais il est sauf son cœur. Quand son parole est bloquée, il y a fait bouquet, frère. Au petit Catherine, là, il va des sortes de la mer. Au petit Catherine, là, il va larguer prière. Il est fatigué en passé, en cassette, derrière l'ASD. Aujourd'hui, il sort à genoux et il demande son liberté. Il déclenche la guerre. Avant qu'un mot bon mauvais, il fait trembler la terre. Allons mettre la main ensemble, notre deux talents à miser. Notre tir ressemble à pas besoin de critiquer. Mais d'ici la terre n'est qu'à terre, il appelle le président. Gouvernement après la zone, il a pour voyage tout le temps. Un jour dans son dépression, pour lui fait pas de son colère. Pour que la rappe ainsi un bouton, là-bas il déclenche un guerre nucléaire. Tipa n'arrivé. Mais si vous voir pile rond, mais si vous savez la boutique. Allons fumer une affaire, bon aïe appelle la Cali. Demain nous va monter dans les hauts. Et demain nous va rock la forêt. Mais si vous voir pile rond, mais si vous savez la boutique. Allons fumer une affaire, bon aïe appelle la Cali. Énorme de se réveiller avec ce petit morceau comme ça ce matin, lundi 10 octobre. Merci à tous d'être là parmi nous. Eh bien, c'est le départ de Grand Matin d'une nouvelle semaine. Bonnes vacances à tous ceux et toutes celles qui y sont. Stéphane est là. C'est parti pour l'info, il est 5h. Et c'est le journal de Stéphane et Nilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Michael, bonjour à tous. Les pompiers auront lutté plus de 4 heures, mais en vain. Une maison presque entièrement détruite hier après-midi au tampon. Les 6 habitants ont pu être évacués, sains et saufs. Plus de 20 permis retirés et des dizaines d'infractions constatées, c'est le bilan des contrôles routiers du week-end. La route du littoral, elle, est bien ouverte après avoir été fermée toute la matinée d'hier. Les travaux de purge se sont bien déroulés. Serres endommagées, fleurs fanées, plus d'une trentaine d'horticulteurs victimes du vent la semaine dernière. Ils demandent une aide d'urgence. Alors que les florilèges se poursuivent au tampon. Saint-Pierroise Excelsior, enfin, ce sera dans 2 semaines l'affiche de la finale de la Coupe régionale de France. Gros incendie de maison au tampon. Les pompiers ont passé toute l'après-midi d'hier à éteindre un feu pris dans une habitation du 17e kilomètre. La présence de plusieurs petites pièces a rendu difficile l'intervention des secours. Les précisions de Sucette Emma. Les pompiers ont mis plus de 4 heures pour circonscrire le sinistre. Le feu a pris dans le garage d'une maison, s'est propagé dans plusieurs petites pièces attenantes et à l'habitation principale. À leur arrivée, les soldats du feu ont constaté un embrasement général provoqué par des bidons d'essence et de multiples matériaux inflammables. Rue Géranium, au 17e kilomètre, cette maison de 200 mètres carrés a subi de gros dégâts. 100 mètres carrés ont entièrement brûlé. Les secours ont évacué les 6 résidents et ont dû déployer 3 lampes à incendie. Il s'agissait d'empêcher la propagation des flammes vers les maisons voisines, vers la ravine et protéger au mieux la partie Seine. Une quinzaine de pompiers et 2 engins ont réussi à maîtriser le sinistre. Les gendarmes, eux, ont dû verrouiller 2 routes pour permettre l'intervention des secours. Suzette, Emma. Et il n'y a pas que les pompiers qui étaient à pied d'œuvre ce week-end. Police et gendarmerie ont mené plusieurs opérations de contrôle routier un peu partout sur l'île. Près de 130 infractions ont été constatées. 24 permis retirés, dont 22 sur le seul secteur de Saint-Gilles hier matin à la sortie des boîtes de nuit. Principale raison, l'alcoolémie, 2,16 grammes par litre de sang. C'est le taux le plus élevé constaté par les forces de l'ordre. L'insécurité routière, ce sera justement l'un des sujets abordés avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit à 7h15 Philippe Naillet, député PS et conseiller municipal de Saint-Denis, délégué à la politique de la ville. Et c'est justement pour prévenir tout accident que la route du littoral était fermée hier matin. Il y avait des travaux de purge au niveau de la pointe du gouffre où une partie de la falaise avait été fragilisée par les incendies de la montagne il y a 10 jours. L'opération a duré 5 heures et a nécessité l'intervention de 6 cordistes. Un travail entamé quelques jours auparavant avec les premières inspections. Et c'est ce que nous dit Clément Bois, directeur de la société spécialisée ROX. On est intervenu sur la demande du conseil régional pour faire une inspection. Et s'il y avait lieu, procéder à une purge d'urgence pour mettre en sécurité la route et dégager le couloir qui s'est créé suite à cet incendie de tous les blocs instables, rendus instables soit par l'incendie lui-même, soit par l'eau utilisée pour éteindre l'incendie. En fait, les parties végétalisées des falaises et des têtes de falaise ont brûlé, donc c'est les parties arbustives plutôt basses qui ont brûlé. Or, celles-ci ont une fonction de maintien de tous les blocs épars en tête de falaise. Et dès lors que ces arbustes ont brûlé, on a des blocs qui étaient bloqués, qui ne le sont plus, et donc ils sont potentiellement mobilisables. Et nous, notre travail, c'est d'éviter qu'ils tombent sur la route. Clément Bois, directeur de ROX, interrogé par Priscilla Etève. Et bonne nouvelle pour les automobilistes, aucune autre intervention n'est prévue sur la route en corniche dans les prochains jours. Alors que se déroule le fleurilège au tampon, les horticulteurs ne sont pas tous logés à la même enseigne. En marge de la manifestation, plusieurs professionnels de l'horticulture ont eu à déplorer la semaine dernière un gros préjudice causé par le vent. La violence des rafales a atteint une trentaine d'horticulteurs. Les producteurs de fleurs coupées notamment interpellent le conseil départemental pour obtenir une aide d'urgence. Éric Vitry, technicien horticole à la Chambre d'agriculture, est allé constater les dégâts. Alors on a beaucoup de serres qui ont été touchées, notamment la bâche, hein, et quelques structures qui ont été écrasées, empantées. Plus d'une trentaine de producteurs qui ont été directement impactés, plus ou moins fortement, avec des gros dégâts, notamment sur les hauts du bras creux, hein, où quelques producteurs ont perdu leur production pour la Toussaint, par exemple. Oui, c'est vrai que la période, ça tombe mal, puisque c'est la Toussaint dans quelques jours. Alors les fleurs sont en pousse pour la Toussaint, et les fleurs sont relativement fragiles parce qu'ils sont sous abri. Donc là, ils ont été débâchés, chahutés par le vent, et donc des dégâts irrémédiables pour la prochaine récolte. Éric Vitry, technicien horticole à la Chambre Verte, était avec Suzette Emma. Ils ont prouvé qu'ils étaient en forme. Plus de 2000 gramounes de toute l'île ont participé au challenge des seniors organisé cette année à Petite-Île. Objectif, lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées et prévenir les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou l'hypertension et inciter les plus de 60 ans à la pratique d'une activité physique et régulière. Beaucoup n'ont pas attendu ce challenge. Ils l'ont dit au micro de Suzette Emma. On nous fait de la gym, on nous fait de la natation, on nous fait de la marche aquatique, du vélo, on nous fait la malle, dans la gym, on nous fait le bras, la jambe, tout ça là, il fait tapis. Pourquoi tu penses que c'est important de faire du sport pour garder la santé, surtout? Ça change tout quand on fait un sport, hein. Ça change tout pour notre corps, pour tout, pour bouger. Ah oui. Et rajeunir un peu. Ça va mieux. Est-ce que ça en a moins mal au dos, moins mal aux jambes? Il dépend, au fur et à mesure l'âge, le dos fait mal même ça. D'accord. Mais j'ai vieilli là, ça va. J'ai mieux, oui. Ah oui, je me sens bien. Dans le paquet. Sans sport, il n'y a pas de santé. Des propos recueillis par Suzette Emma. Et avant de refermer ce journal, un mot de sport en football. Les joueurs de la Saint-Pyroise n'ont pas fait de détails hier face à leurs voisins de l'ASC Grandbois. Une victoire 7-0 qui permet à la JSSP de rejoindre l'Excelsior en finale de la Coupe régionale de France. Les Saint-Joséphois, eux, avaient battu l'AS Sainte-Suzanne. Hein, c'était samedi soir en demi-finale également. La finale, elle, aura lieu le 23 octobre prochain. On va maintenant passer à France Info. Non, on n'a toujours pas les titres de France Info. On va attendre quelques secondes. Si on a effectivement les titres aujourd'hui de ce lundi 10 octobre pour le France Info, on les ça a. Ça doit arriver. Voilà, ils sont là. Donc c'est Alexandra Dubouchron de France Info, les principaux titres de l'actualité en France et dans le monde. Trump versus Clinton, c'est parti. Les candidats à la Maison-Blanche s'affrontent d'ici quelques minutes lors du deuxième débat organisé à Saint-Louis dans le Missouri. C'est à suivre en direct et en français sur le canal 27 de la TNT. Et l'échange promet d'être animé, isolé depuis les révélations sur ses propos vulgaires et sexistes. Le candidat républicain compte contre-attaquer. Il a tenu tout à l'heure une conférence avec des femmes qui accusent l'ancien président démocrate Bill Clinton d'inconduite sexuelle. Après ce débat, retrouvez nos décryptages et analyse dans le 5-7 sur France Info. On a appris cette nuit la mort de l'un des plus grands cinéastes polonais, Andrzej Wajda, avait notamment réalisé L'Homme de Fer en 1981, ce film pour lequel il avait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ces films reflétaient l'histoire complexe de son pays, comme Katyn sur le massacre de milliers de Polonais par les Soviétiques en 1940. Andrzej Wajda avait 90 ans, il est décédé d'une insuffisance pulmonaire. Aux États-Unis, le bilan après le passage de l'ouragan Matthew s'est alourdi. 17 morts et plus de 2 millions de foyers d'entreprises sans électricité. La tempête s'éloigne maintenant dans l'Atlantique, mais c'est en Haïti qu'elle a fait le plus de dégâts. Près de 900 personnes ont perdu la vie. Le pays a commencé un deuil national de 3 jours ce dimanche. Le Quai d'Orsay condamne fermement les frappes sur Sanaa au Yémen qui ont fait 140 morts et plus de 500 blessés samedi. Il demande une enquête indépendante. L'Arabie Saoudite à la tête de la coalition arabe dans ce pays en pleine guerre civile et pointé du doigt par les rebelles chiites houthis. La première démonstration de force de Nicolas Sarkozy, l'ancien président et candidat à la primaire de la droite et du centre, a tenu un meeting hier au Zénith à Paris devant plus de 6000 militants selon les organisateurs. Dans un discours de près d'une heure, il s'est posé en candidat des déclassés contre les élites. Invité à prendre la parole, l'ex-otage des FARC, Ingrid Betancourt, a fait l'éloge de, je cite, un leader du monde qui a sa place parmi les grands. Le pronostic vital est engagé pour le policier de Savigny-sur-Orge, victime samedi d'une agression au cocktail Molotov dans la cité de la Grande Borne, dans l'Essonne. Quand on attaque des fonctionnaires qui portent un uniforme, c'est l'État qu'on attaque. C'est indigné le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas ce dimanche. Sarcelles va demander à armer sa police, une décision votée par les habitants eux-mêmes à l'initiative du maire socialiste. Une concertation citoyenne était organisée jusqu'à hier sur ce sujet et le oui a recueilli 59%. Une concertation sur ce sujet est une première en France. Une autre consultation, elle aussi inédite, est organisée à partir d'aujourd'hui à Grenoble. Les habitants de plus de 16 ans sont appelés à voter sur la hausse des tarifs de stationnement adoptée en juin par la municipalité écologiste et contestée par une partie de la population. Le scrutin dure 5 jours et une dizaine de bureaux de vote sont ouverts à cet effet. Ce lundi en football, France-Pays-Bas à Amsterdam, les deux favoris du groupe A. C'est l'affiche de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et il est 5h10 dans toute la Réunion et sur Réunion Première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et la bonne nouvelle, c'est que le soleil va encore nous jouer un très joli tour aujourd'hui, puisqu'il sera de la partie dès les premières heures du jour. La petite fraîcheur matinale va s'estomper rapidement. Et à la mi-journée, sous un ciel ensoleillé ou peu nuageux, on aura 18 degrés au volcan, 23 degrés à Sillaos ou encore 30 degrés sur les plages. Quelques nuages, notamment de la Ravine à Malheur à la Saïne-Léo. Là, ça va un peu se couvrir. Pourquoi pas une ou deux averses et pourquoi pas quelques débordements sur les plages partout ailleurs. Alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Le tout sous un vent d'est qui va souffler sur le chef-lieu et Saint-Joseph, compter 55 km/h. L'après-midi, il va s'orienter légèrement au nord-est et on aura un peu de vent qui va rentrer sur le port. 60 km/h attendu. Tout de même, la mer est peu agitée, localement agitée. Bref, on poursuit notre route vers l'été. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, il est 5h11 dans toute la Réunion, merci d'être avec nous chaque matin et surtout d'être au rendez-vous comme d'habitude, merci de nous faire confiance aussi. On vous attend comme tous les jours, du lundi au vendredi sur le 06 92 70 2000, ça c'est le numéro SMS, vous le connaissez maintenant ce numéro SMS, et puis bien sûr il y a la fanpage de Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux, cette communauté s'agrandit de jour en jour et ça aussi c'est loin de ne pas nous faire plaisir, la page Facebook Grand Matin, GRAN grand matin, voilà, pour atteindre peut-être les 1100, voire les dépasser ce matin, les 1100 fans, hein, je le dis bien. Et bien sûr, bah, comme souvent, il y aura des cadeaux à la clé. On vous en reparlera entre 5h et 8h. On aura aussi Prisca sur le marché, Prisca qui va nous faire un petit tour aujourd'hui des marchés, notamment du tampon, le marché, le bazar du tampon. Salut Prisca! Salut Mika, comment ça va? Bah ça va, le week-end s'est bien passé. Bah elle est où Isa? Bah oui, bah alors Isa c'est le mode vacances, et donc j'ai perdu ma compagne pendant les vacances. Bah oui, bah je vois ça, bah non oui. On est là, quelle tristesse. Donc on va faire un tour au marché couvert du tampon, parce que vous savez que le tampon est en fête hein, en ce moment, avec les florilèges, et puis après on va se balader dans les rues du centre-ville des tampons, dans la Coljac. Eh bah oui, pourquoi pas faire un petit tour donc là-bas. On va faire un petit tour au marché couvert, hein, qui est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. Alors t'es là au moins, ça c'est bien, au moins toi t'es au rendez-vous, tu vas pas me faire d'infidélité, c'est bon, tu seras là jusqu'à 8h. Non, c'est bon. Tout va bien. Bah quoique, la semaine prochaine je pars en vacances moi. Aïe aïe aïe, mais vous nous quittez tous pendant les vacances. Non, vous serez là vous. Bah oui, je serai là, ouais. Je serai là, seul rendez-vous. Journée mondiale de l'œuf aujourd'hui, Prisca. Journée mondiale de l'œuf. Les œufs, effectivement. On va voir s'il y a des œufs au marché couvert du tampon. Bon, on verra ça tout à l'heure. 5h45. Merci, Prisca. À tout à l'heure. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Première. Le Grand Raid, ça approche un départ jeudi prochain, à vivre en direct en radio, télévision et sur Internet. On est le lundi 10 octobre et bien sûr, bah, comme d'habitude à 7h, on accueille Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde, c'est la Saint-Ghislain, nous sommes lundi. Bon début de semaine à tous, le lundi 10 octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à vous d'être là, toujours là. Voici l'horoscope de la première tout de suite. Bélier, dès le début de cette semaine, vous allez mettre les bouchées doubles. Taureau, vous allez voguer en solo et cela sera bien pour vos affaires et vos finances. Gémeaux, vous pouvez réellement faire preuve d'efficacité ces jours-ci, à condition d'aller directement à l'essentiel. Cancer, là franchement, vous vous cassez trop la tête avec des détails. Lion, votre extravagance vous sied parfaitement bien. Vierge, la chance donne un coup de pouce à vos amours. Balance, pourquoi garder en soi ce que l'on peut donner ? Scorpion, vous n'êtes pas obligé de suivre le troupeau, absolument pas. Sagittaire, vous allez aimer vivre vite, fort, sous haute tension, cette journée est d'ailleurs la majorité de cette semaine. Capricorne, n'attendez pas que l'on vienne vers vous. Verseau, un contact ou une rencontre pourrait vous apporter beaucoup, notamment côté professionnel. Poisson enfin, le moment est venu de vous remettre en cause. Certains aspects de votre relation sentimentale ne vous conviennent plus. Excellente journée. Oh bah on espère que ça se passera bien, en tout cas pour vous. Alors on va filer sur les hippodromes, puisque on va jouer encore aujourd'hui, enfin pour ceux et celles qui aiment jouer au tiercé, quarté, quinté plus. On va rappeler d'abord l'arrivée d'hier, ça se passait à Auteuil. Il fallait jouer le 4, le 14, le 10, le 9 et le 8. Le 4, le 14, le 10, le 9 et le 8. Les pronostics du Fouineur pour aujourd'hui, pour le tiercé, quarté, quinté plus du jour. Il vous conseille de jouer le 16, Zongidac, le 7 By Air, le 18 Ultra de Vindensi, le 10 Ungaro Jet, le 8 Vedette Américaine, le 6 Unique Duon, le 9 Torgan MF et le 4 Hugo Durzi. Voilà, on espère que pour vous ça sera peut-être le gain à la fin, avec une belle somme d'argent à la clé. Mais pour que le jeu reste un plaisir, eh bien jouons responsable, comme d'habitude. Tiens, on parlera dans un instant de Zlatan Ibrahimovic, encore lui, mais cette fois-ci, c'est pas lui qui parle de lui, mais ce sont les autres. Vous comprendrez pourquoi. Omega, combien de fois ? Bonne journée, bon réveil avec nous. Combien de fois ma rêve d'où ? Combien de fois miwa nous ensemble ? Un jour m'en trouve le bout, même si l'amour est impossible. Combien de fois ma rêve d'où ? Combien de fois miwa nous ensemble ? regard échangé. Combien de fois nous fait la bise? À moins combien de fois on envahit mes pensées? Combien de jours? Faudra combien de mois? Combien d'années vais-je t'attendre? Ton sourire me charme et me tend. Oh my baby girl. Même s'il est pas simple, on nous dit. Nos premières Omega avec combien de fois. On espère que vous passez un bon début de journée. Alors, il y en a certains qui aiment le foot, d'autres non. En tout cas, un entraîneur norvégien, lui, n'aime plus le foot joué par ses joueurs. Il est fatigué d'entraîner des joueurs vraiment mauvais et il a une idée pour le moins farfelue. Ce dernier, en fait, a réalisé une vidéo à travers laquelle il décrit son expérience en tant que coach et ses joueurs, et c'est catastrophique. Hein. J'aimerais pas être à la place de ces joueurs. Enfin, quoi que je me demande, s'il vaut mieux être à la place des joueurs ou à la place du coach dans ces cas-là, vu que les joueurs quand même ont une qualité très médiocre. C'est quand même l'entraîneur de l'équipe de Norvège, c'est pas non plus une équipe qu'on ne connaît pas. Alors, il demande ensuite à des personnes qui connaissent Zlatan Ibrahimovic dans la vidéo ou Cristiano Ronaldo, allez, hein, soyons fous, il leur demande en fait tout simplement, comme ça dans la vidéo, leur sperme. Pourquoi ? Pourquoi il leur demande leur sperme ? Parce qu'il aimerait tout simplement hausser le niveau de jeu de la Norvège pour en faire la meilleure équipe dans 20 ans. Alors pour ce faire, bah l'entraîneur demande de partager un maximum son initiative afin de pouvoir contacter les plus grandes stars du ballon rond et pourquoi pas créer des mini Zlatan Ibrahimovic, des mini Cristiano Ronaldo. Alors vous imaginez bien, pour l'instant les joueurs n'ont pas répondu et même s'ils répondent, je pense pas que la réponse soit forcément positive. Puis alors, quand on connaît Zlatan Ibrahimovic, à mon sens, ça va lui faire grossir un peu plus son melon, hein, parce qu'il a déjà un gros melon, Zlatan, de quelques centimètres de plus, du genre « Zlatan et la Norvège, je suis la Norvège ». Vous voyez, Zlatan Ibrahimovic, donc peut-être un jour, le donneur de sperme de l'équipe de Norvège de football. Allez, soyons fous, hein. Allez, franchement. Le monde est fou, hein, le monde est dingue, je sais pas, hein, chaque matin je me le dis. Je sais pas si vous aussi, dans votre voiture ce matin ou à la case, vous le dites pareil. Jane, comme sur première. That you bought today, now I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Gonna go, my baby. Gonna reach a good world today, day to day. Gonna go, my baby. Gonna call for your nightmares, day to day. Gonna go, my baby. Gonna La petite franco-malgache Jane, que vous avez peut-être découvert au Sakifo Music Festival, c'était il y a quelques mois de cela, avec Comme sur première 5h24. Et tiens, je vais vous parler un peu de ce qui se passera pour la suite, parce que bon, ce sont les vacances, donc on a changé quelques petites choses pour rien de vous cacher. Les experts de Claude Montanet deviennent les experts d'Isabelle Waro. Eh ben voilà, hein, pourquoi pas, on accueille Isabelle chez les experts entre 10h et midi. On va parler de la taxe foncière aujourd'hui. Alors, pourquoi on en parle? Pas pour vous saouler avec la taxe foncière, parce que c'est très chiant les impôts. Il faut le dire. Non, tout simplement parce que si vous disposez d'un bien, il y a toujours donc des questions à poser parce que bah, vous ne savez pas vraiment toutes les petites ficelles quand on est propriétaire. Et bien ces ficelles-là, elles vous sont données par les experts justement d'Isabelle. Et puis là, c'est bientôt aussi le paiement hein, pour la taxe foncière. Alors comment on fait quand on ne peut pas payer sa taxe foncière? Eh bien, il y a peut-être des moyens. Ils vous seront donnés entre 10h et midi. Les experts d'Isabelle Waro, vous appellerez le numéro habituel hein, 02 62 99 2000. Les experts vous répondront parce qu'on est là pour ça, après tout. Allez, on est bien. 5h25. On démarre la journée. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, 5h30, Cécile Thomas me rejoint pour l'actualité de ce lundi 10 octobre. Et puis ensuite, on continue la matinale avec vous. Voici les Mars sur première. Avec If There Any Justice sur première chaque matin, c'est Grand Matin qui vous réveille entre 5h et 8h, lundi 10 octobre. Salut les amis, salut notamment du côté du canal SMS au 06 92 70 2000. On salue Nadine Guillaume, toujours fidèle. Nadine, ça fait plaisir, on lui fait un bisou. À Nadine, on fait un bonjour aussi à un anonyme, tiens, parce que vous laissez pas tous vos prénoms sur le 06 92 70 2000. Laissez-les comme ça sera plus simple. On aura aussi la fanpage de Facebook hein, pour vous rajouter comme fan, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'êtes pas fan encore de la page Grand Matin, inscrivez-vous parce qu'avant 8h je vous promets un beau cadeau. Par exemple, allez je vous le dis comme ça, croisière musicale, Frédéric Joron, Grand Bleu. Si ça vous dit, bah, peut-être que ce week-end vous serez sur le bateau, à condition de vous inscrire sur cette fameuse page Facebook, la fanpage, vous la connaissez maintenant, la page Grand Matin, on y salue ce matin Jean-Bernard et Sassa qui sont déjà parmi nous au réveil, il y en a qui se réveillent très tôt à La Réunion. On salue aussi notamment les routiers, les agriculteurs, toutes les professions qui travaillent dans les hôpitaux, parce que ça taffe très dur, très tôt le matin. Il y en a qui reviennent aussi du travail, donc bonne nuit à vous. Ah ouais, il y en a qui vont dormir. On aimerait bien dormir un petit peu avec Cécile encore, on aurait bien aimé dormir une heure de plus, je pense, Cécile. Hein. Ça aurait été bien. Hein. Ouais. Allez, ceux qui sont en vacances en profitent. Là. Ouais, ben voilà, on y pense. On pense à eux. Pour vous, ce sera la semaine prochaine, hein, Cécile. Ah oui. Voilà. Elle va nous quitter aussi. Elle nous quitte toutes les filles le matin. Oh, allez, pour l'instant, on est là. Voilà. C'est moi qui les fais fuir, j'ai l'impression. Je sais pas, il y a un truc, hein, un truc qui se passe. Ça. Bon, en tout cas, il est 5h30. Bienvenue à tous. C'est le journal de Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Des roches qui tombent sur la chaussée. Opération de purge hier sur la route du littoral. L'axe était fermé le temps de l'opération. Conclusion, il faudra rajouter un filet à l'endroit où l'incendie avait fragilisé la falaise. Reportage dans ce journal. Un marché pays, une fête des bichiques, les florilèges. Un vrai week-end de début de vacances pour petits et grands. Les bichiques ont manqué, vous l'entendrez. La chasse aux rats est lancée à Saint-Denis. La ville lance une nouvelle campagne de dératisation. Dès aujourd'hui, des kits seront distribués. Et puis le Grand Raid, c'est dans 10 jours, préparation de pro hier dans le Sud, avec un ancien vainqueur et des trailers expérimentés. Nous entendrons Antoine Guillon. La route du littoral est ouverte sur 4 voies ce matin, mais hier l'axe était fermé toute la matinée pour purger la falaise fragilisée après l'incendie de la montagne il y a 10 jours. Lundi dernier, l'inspection de la falaise par des cordistes avait révélé certaines faiblesses. Ils avaient dû en urgence détacher les blocs les plus dangereux. Hier matin, la direction régionale des routes a pu opérer des purges plus importantes. Priscilla Etève était sur place. Les roches dégringolent une à une de la falaise et souvent, ce sont de sacrés blocs. Pendant 5 heures, Sylvain Nou et ses 3 autres collègues cordistes, équipés de leur canne à purge, ne ménagent pas leurs efforts. Beaucoup de blocs à faire tomber, ma foi. Ils sont positionnés toujours de façon particulière. Ils se calent, ils se coincent, donc faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et puis ils sont lourds, surtout. On a nettoyé ce qu'on a pu, mais il en reste toujours. Hein. Bon, après tout ce qui est instable, au moins nous, notre zone, c'est propre. Pas la chaussée par contre, puisque de nombreux blocs sont tombés dessus pendant la purge. Du coup, c'est au tour de l'équipe d'Éric Christina, responsable des travaux de la route du littoral, de prendre le relais. Ce sont juste des petits travaux d'entretien qui consistent à mettre de l'enrobé à froid sur les impacts. Là, il y a une dizaine d'impacts, mais qui n'est pas non plus trop dommageable pour la circulation des automobilistes. Pendant ce temps-là, dans l'hélicoptère, Clément Bois, directeur de ROX, inspecte la falaise et prend quelques photos. La partie du couloir maintenant, elle est saine, elle est dégagée, purgée de tous ces blocs. Il reste encore que de la terre qui va continuer gentiment à glisser. Avec les pluies, elle va être lessivée, mais par contre, elle n'entraînera pas de dégâts sur la chaussée puisqu'elle va tomber en pied de falaise dans le dispositif d'arrêt et la fosse à bloc. Voilà qui devrait rassurer les automobilistes. Et bonne nouvelle, aucune autre intervention n'est prévue dans les prochains jours. Alors, roulez jeunesse. Et roulez tant que vous le pouvez. Un reportage de Priscilla Etève. Et à cet endroit, il faudra rajouter un filet. Vous l'avez entendu, les roches ont terminé leur course sur la route. Au lieu de chuter derrière les pièges à cailloux, ces filets devraient donc les garder le long de la falaise et les concentrer derrière ces fameux pièges à cailloux. La route côté contrôle, cette fois. Hier, les gendarmes ont effectué pas moins de 330 contrôles dans le secteur de Saint-Gilles. Et le bilan est plutôt alarmant. 52 conducteurs alcoolisés. 22 d'entre eux ont vu leur permis de conduire retiré immédiatement. 22 et leur véhicule immobilisé. Le taux le plus élevé était de 2,16 grammes d'alcool par litre de sang. La police a également effectué des contrôles ce week-end et ce un peu partout dans l'île. 281 véhicules contrôlés et au final 75 infractions relevées. 11 véhicules ont été immobilisés. 2 permis ont été retirés. En bref, toujours, un gros incendie a ravagé une maison hier au tampon au 17e kilomètre. Le sinistre a mobilisé les pompiers une grande partie de l'après-midi. Le feu a pris dans le garage avant de se propager à l'ensemble de la maison. Les 6 habitants ont dû être évacués. Alors qu'au tampon, les florilèges se poursuivent avec, vous l'entendrez dans nos éditions ce matin, des visiteurs qui ont un gros faible pour les orchidées. À Saint-André, un autre rendez-vous a bien plu hier au Colosse. Un marché pays s'est installé sur place. Une initiative du département et de la municipalité pour redynamiser le parc du Colosse qui a accueilli un temps un marché de producteurs. Reportage sur place, Christelle Fleury-Court. À l'entrée du marché, les gourmands font un arrêt au stand de beignets, aux saveurs pas forcément très habituelles. Je voulais goûter les spécialités de beignets, cresson et songe, c'est la première fois que je voyais cresson. Croustillant, bien épicé, c'est très bon. Un peu plus loin, un monsieur aiguise son odorat. C'est un parfum pour homme à la fougère. Là, on sent tout de suite la plante, voilà, la forêt. C'est pur 974. C'est fait à la coopérative des huiles essentielles de Bourbon. Donc vous avez à la fougère, vous avez au vétiver. Ça change un peu du marché traditionnel. Au marché pays, il y a moins d'étals que sur un marché forain ordinaire. Une trentaine d'exposants en tout, mais les produits sont obligatoirement locaux et vendus directement du producteur au client. Ils ne prennent rien de produit dehors, mais voilà comment ils vivent. Mes chicarots dans le sachet, les gros. Deux jeux, une pourrie, regarde ça. Ça, ils pourrissent pas ça. Et c'est pas plus cher le pays ? Non, vous allez au vendredi au marché de Saint-André, c'est 2,50 la barquette, là c'est 2 euros. Une formule qui séduit de plus en plus, d'après Patrice Dijoux, président des marchés de producteurs. Depuis qu'on a commencé les marchés de producteurs, la carotte pays, ça se vendait plus. Au départ, il me fallait un mois et demi pour vendre une tonne. Maintenant, je vends une tonne en une semaine. Et cerise sur le gâteau, le gingembre confit de Michel et Eliane, qui s'avérerait de circonstances. Il y a du magnésium, c'est énergétique pour les personnes. Là, par exemple, le diagonal de fou qui approche, ça les donne beaucoup de fouet. Le matin, pour toute la journée, il peut arriver en première en fonction. Voilà, des remèdes pour le Grand Raid. La course aura lieu dans 10 jours. On y revient tout à l'heure. On reste dans l'Est avec la 21e fête des Bichiques. C'était sur les berges de la rivière des Roches, à Prapanon. 3 jours à célébrer le petit Alvin. Sans lui, les Bichiques se sont fait très rares, vendus à 70 euros le kilo. C'est l'un des mets les plus coûteux de l'île, mais c'est aussi l'un des plus appréciés. Encore fallait-il donc en trouver, Christelle Fleury-Court, à l'heure du déjeuner, a recueilli quelques impressions. Ah, trop bu ! Et puis si, trop les cher ! Madame, qu'on est en train de manger là ? T'as les Bichiques ? Et alors, où la trouve ça ? Madame, au congélateur. Ah non, j'ai pas trouvé. C'est ni ça, peut-être un peu pour remonter, mais un petit peu dur. L'année passée, c'était 40 euros le kilo, mais la 75 euros, là, il n'est pas arrivé à côté. Non, je ne sais pas les Bichiques, mais n'a point. Il est un petit peu déçu ? Ah ben oui. Et dans combien t'écoutes ça, un kilo Bichiques ? Ah, ben, de mon temps, c'est 25 euros. Soit 10 ans, tu fais de Bichiques, mais bon, trouver. Non, mais dans la semaine, pareil, il y avait un petit peu 75 euros le kilo. Les gens y achètent, ils disent qu'il y a rayonné. Ils achètent ou ? Non, ils achètent 1,95€, de t-chasser 250 grammes, c'est comme un. Des propos recueillis par Christelle Fleury-Court. Comme la troisième jeunesse était invitée hier, il y en a qui ont connu le Bichique en abondance. 5h36 sur Première, la suite du journal avec Cécile Thomas. Il y a donc des animaux que l'on recherche pour les manger et ceux dont on veut se débarrasser. Saint-Denis lance une nouvelle campagne de dératisation de la ville. Elle commence ce matin et durera toute la semaine. Les services de l'environnement et des espaces publics vont renforcer leur lutte contre les rongeurs. Les points sensibles sont connus, le bar à choix, les dépôts sauvages un peu partout, les poubelles mal fermées, tous les endroits où les rats peuvent trouver de la nourriture. Si vous habitez à Saint-Denis, la ville va mettre à votre disposition des kits spéciaux. Présentation avec Emmanuel Esposito, il est responsable de la salubrité à la direction de l'environnement et des espaces publics de Saint-Denis. Vous avez une notice explicative et à l'intérieur, vous avez tout le nécessaire, c'est-à-dire vous avez bien sûr des gants, parce qu'il faut mettre des gants, et puis après vous avez des blocs raticides, hydrofuges, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dehors, dans des lieux même humides, ça ne risque rien. Et puis vous avez aussi en grains, qui sont aussi souricides, parce que bon, on n'est pas que les rats, vous avez le problème des souris aussi. Voilà. Où est-ce qu'il faut les mettre et est-ce qu'il faut faire attention aux animaux ? Il faut les mettre dans les lieux plus ou moins cachés, dans les lieux de passage, plus ou moins propices au passage et à l'abri. Des propos recueillis par Jean-Paul Mélade. Cette campagne dure donc toute cette semaine. Du sport, J-10 avant le départ du Grand Raid. Les coureurs sont actuellement dans la dernière phase de leur préparation. Hier matin à Grandanse, une quinzaine d'entre eux participaient à un stage spécial Ultra Trail. Un stage qui mêlait pratique et théorie. Comment bien respirer, gérer une descente, comment s'appuyer sur son mental. Un menu concocté par Experon Performance, la société de coaching sportif de Pascal Blanc. Le réunionnais d'adoption épaulé par deux autres coureurs très expérimentés, le Jaguar Christophe Lesseau Bordeaux et Antoine Guillon, vainqueur de la Diagonale des Fous l'an passé, champion du monde d'ultra-trail en titre. Ce dernier participe à son 10e Grand Raid cette année et s'attend à une belle lutte avec François Denne, Freddy Thévenin ou encore Jedi Minas Grinius. Ah, il y a un joli plateau, je me suis très bien préparé. J'ai vu ce qui avait marché l'année dernière, donc j'ai à peu près suivi le même protocole d'entraînement et j'ai fait un petit peu plus encore sur certains points. Alors on va voir ce que ça donne, mais je me sens très très bien. En tout cas confiant pour donner le meilleur de moi-même et après ça dépendra aussi de la course des autres maintenant. Et en ce qui concerne l'Ultra Trail World Tour, vous êtes encore en bonne position ou... Alors non, parce que j'ai fait deux étapes, j'avais eu un souci de genou, une autre je suis tombé, où je me suis perdu aussi. Alors c'était pas terrible, j'ai fait 10 et 11. Je crois qu'au classement actuel, je suis au-delà de la 20e place, mais j'ai bien calculé, si je fais un très bon grand raid, je peux encore rentrer dans les 5. C'est mon objectif. Antoine Guillon, l'un des favoris du grand raid cette année, interrogé par Stéphane Henny-Laurac. Autre rendez-vous sportif, cette fois réservé au Gramoun hier. La 6e édition du Challenge des seniors s'est tenue cette année sur le stade régional de Petite-Île. 2000 personnes ont marché dans ces fêtes du sport. Objectif, lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées, prévenir les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension et inciter les plus de 60 ans à la pratique d'une activité sportive. Mais comment les convaincre de faire du sport? C'est la question que Suzette Emma a posée à Gérard Goriot. Il préside le Challenge des seniors. La motivation, elle vient d'eux-mêmes déjà. Ils sont en forme parce que d'abord, ils la maintiennent, cette forme, toute l'année. Le principe même de notre association, en tant que mise en place des ateliers sport, activité physique, c'est de pratiquer au moins 2-3 fois par semaine une activité physique encadrée par des experts, les APA. Alors, donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est une forme de jeunesse par rapport à ça. Et surtout, je pense que c'est également de la part des pratiquants eux-mêmes, des adhérents, une responsabilité des activités qu'ils pratiquent. Gérard Goriot interrogé par Suzette Thémain. Et il n'y a pas que les seniors qui doivent faire du sport, hein, Cécile, hein, on non, est d'accord. Ouais, nous aussi, on s'y met. Plus tôt. L'équipe de Grand Matin. Cécile, toujours sportive il y a en ce moment pour souffrir. Ben oui, ouais. Bien sûr. Bah, c'est bien, continuez comme ça. Ça se voit d'ailleurs. Hein, plus en mieux, Cécile. Hein. Plus en plus en forme. À tout à l'heure, Cécile. 6h pour l'information avec Stéphanie Mielorac. Non, pas hypocrite du tout, Mickaël, non? Pas hypocrite du tout. 5h40. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Alors qu'on voit les premières lueurs du jour, vous peut-être sortez en ce moment, vous regardez à travers la fenêtre de votre chambre. C'est plutôt pas mal pour aujourd'hui avec du ciel bleu. Alors je vérifie quand même. Hein. Ouais, c'est bien dans l'est, c'est bien dans le nord, c'est bien dans le sud, c'est bien un peu partout. Alors c'est vrai que vers Sainte-Rose, quelques nuages peuvent s'accrocher, notamment, et donner quelques averses sur les hauteurs. Ça va s'ennuager cet après-midi, c'est vrai, notamment entre la ravine à Malheur et la saline Léo. Pourquoi pas une ou deux averses, des débordements possibles sur les plages. Mais globalement, c'est encore une belle impression de beau temps qui va dominer, avec une relative fraîcheur ce matin, 6 degrés à la plaine des Cafres seulement, 9 au volcan ainsi que dans le cirque de Sillaos. Il fait 21 degrés sur la côte, notamment au port. Ça va se réchauffer cet après-midi, on atteindra facilement à nouveau les 30 degrés sous abri, hein, c'est-à-dire qu'au soleil, il fait bien plus chaud, donc du côté de Saint-Gilles notamment, et puis du vent qui va souffler sur Saint-Denis et Saint-Pierre, comptez 50 km/h, un vent qui va rentrer sur le port avec des rafales un petit peu plus vigoureuses. 60 km/h attendu, mais à part ça, franchement, belle journée. Profitez-en bien si vous êtes en vacances. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. On va filer sur le marché du tampon dans un instant, et puis juste derrière, on vous fera gagner un pass pour un festival de marionnettes. Mickaël Pauvin. Ça me fait comme un feu qui devient poussière d'étoiles. Dans la pomme de ma main, j'ai pu voir danser nos âmes. Oh, oh, si Dieu pouvait changer les heures en flammes. Car ma nuit voit son jour brûler par tes charmes. I'm a burning flame in hell. Pour Notre petit réunionnais à la grande voix, Mickaël Pouvin, qui poursuit sa carrière solo avec son album sorti l'an dernier, Karma. C'était Angel Sobad, sur Première dans toute la Réunion. Vous restez là parce qu'on va filer sur le marché avec Prisca aujourd'hui, journée mondiale de l'œuf. Et oui, 97% des Français en consomment. Vous avez forcément consommé un œuf, peut-être ce matin, pourquoi pas au petit déjeuner. On en parlera avec Prisca, on va voir s'il y en a sur le marché du tampon. A tout de suite. Yeah. 14h, 16h, musique première avec Élodie Allier. Comme chaque après-midi, jusqu'à 16h, musique, détente, bonne humeur, actu, tout ce qu'il vous faut sur votre radio préférée. Musique première avec Élodie Allier, toute la semaine de 14h à 16h sur Réunion Première. Le saviez-vous ? Les emplois créés par la filière sucre génèrent dans d'autres secteurs des emplois. Maintenant, vous savez pourquoi la filière canne-sucre est un moteur de notre économie. Filière canne-sucre au cœur de la Réunion. La région Réunion lance le POP nouvelle génération. Let's go ! Le POP 2. POP 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon POP est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. POP 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon POP 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionréunion.com. Première. Et avant 6h, je vous donne un bon plan pour les marmailles. On vous offre un festival de marionnettes, le Strapantin, qui démarre demain. Et comment ça se passe? Bah, vous vous appelez au 0262 99 2000. Un double pass à vous faire gagner avant 6h. D'ici là, l'œuf ou la poule, du coup, au marché du tampon, là. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Avez-vous trouvé des œufs, Prisca, ou peut-être des poules? Oui. Qui sait? Oui, il y a des œufs ici au marché couvert du tampon, mais par contre, ouais, il va falloir motiver les troupes. Hein, ah. Parce que Sabine et Stéphanie, Cédric, bon, ils n'ont pas trop la forme. Mais ça arrive. Un peu de motivation. Par contre, Yanis, lui, c'est bon. Ah, Yanis. Bonjour, Yanis. Salut, Yanis. Ah oui, Yanis, il a dit le travail, c'est la santé. Bah oui, il a bien raison. Ouais, hein. Oui, c'est la santé. Donc ce matin, lundi, qu'est-ce qu'on mange au marché couvert du tampon? Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Combien coûte ça le kilo d'un petit peu de tout? On va déguster des courgettes. Et je ne sais pas si on a parlé déjà des courgettes jaunes. En tout si, cas, il y en je crois, a. Ouais, qu'on en avait parlé. Ouais, on en avait parlé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes en vacances, découvrez ces fameuses courgettes jaunes. C'est comme les vertes, il n'y a que la couleur qui change. Du coup, ça met un peu de gaieté et de couleur. Ça fait joli dans l'assiette. Ouais, ça fait joli. Et puis Yanis, il a une belle façon de ranger ses courgettes, puisqu'il les range à côté des carottes et à côté des poireaux. C'est pourquoi ça? Pour faire ressortir la couleur. Ouais, ressortir la couleur. C'est vraiment très plus joli. Faut parler un petit peu plus fort, bien en face de la sucette, hein, s'il vous plaît. C'est important, hein, de bien manier la sucette. Tout à fait. Est-ce que vous vendez des œufs? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'œuf. Oui. Quoi, combien? 50 plateaux et 4 les 12. On vous entend pas très bien, Prisca. Pour pas vous... 4 euros les 12, ouais, vous m'entendez là ou pas? Pour pas vous le cacher, la liaison est pas très bonne, faut le dire. Oui, mais on va faire avec. Hein. Bah, on fait avec, ouais. Bah oui. Charles comme ça, peut-être que comme ça c'est mieux. Ah oui. J'entendais mieux là comme ça. Là c'est beaucoup mieux, effectivement, presque. Ah, voilà. Là c'est beaucoup mieux. Et ben voilà, on y est. Allez, on y arrive. On est en direct avec Yanis, on y arrive. Donc 4 euros, une douzaine d'œufs. Voilà, je crois que j'ai compris. Hein. Je crois que c'est ça. C'est ça, Yanis? Ah bah Yanis, il a perdu la motivation quand même. Hein. Ça, non, il était motivé. Yanis, il est là. Yanis, on est motivé, le cri de guerre. Allez. Allez, Yanis. 1, 2, 3. 4 euros les deux, 30 euros les 50. Ouais. Voilà. En fait, Yanis, il est en train de me parler, mais en même temps, il est en train de, oui, de ranger... Oui, c'est un moteur diesel, Yanis. C'est un moteur diesel, mais ça va. C'est pas évident. Doucement. C'est pas évident, Michael, vous savez, c'est l'intrigue. Bah oui, il faut tout mettre en rayon. Allez, et j'ai aussi le gardien. Alors, c'est pas le gardien du temple, mais c'est le gardien du marché couvert. Bonjour. Salut, le gardien. Vous quel est votre prénom? Dominique. Dominique, ça y est, vous avez mis les barrières dans le parking? Oui, on va le faire là. Pourquoi vous faites ça? Ben, pour empêcher les personnes qui partent au florilège de se garer sur le parking du marché couvert. Ah ça, c'est pas bien, hein. Si on vient se garer sur le marché du marché couvert... Il y a le gardien qui est là. On profite du marché bon. Couvert. Merci, rendez-vous tout à l'heure, Jackie. J'allais dire ouais, Jackie. Bah oui, bah oui, parce que vous êtes habitué entre 8h et 10h, avec la colle Jacques aussi. C'est vrai, vous ouais, êtes voilà, puis un duo. On est un petit peu perturbé, vous savez, c'est les vacances. Oui, la bonne t'inquiète, nouvelle, Prisca. C'est que dans le sud, il fait beau. Eh ben, ça c'est bien, il fait ça beau, c'est bien. Nickel. Pas un nuage dans le ciel du tampon. On te retrouve à 6h20, Prisca, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. C'est le moment pour jouer, bah oui, comme d'habitude. Grand matin, le mixeur. Et on va jouer à quel numéro? Bah c'est simple, 0262 99 2000, les amis. Et on va jouer pourquoi? Eh bien là, il y a un festival, le Marionnette Strapantin, festival qui démarre donc demain. 7 spectacles de marionnettes qui s'offrent à vous et à vos marmailles. Et pour avoir vu quelques extraits, je peux vous dire franchement que ça vaut le détour. Et tout ça, on vous l'offre gratuitement. Un double pass là qui va tomber ce matin en appelant le numéro 0262 99 2000 et en trouvant soit le titre, soit l'artiste. Vous avez le choix, soit le titre, soit l'artiste, au 0262 99 2000. On est parti, DJ Fou, on balance la sauce, allez, go. Bon, c'est facile. Le chanteur créole par excellence, qu'on connaît très bien. Et puis juste derrière, le titre est dedans. C'est un prénom. Il y a même l'artiste. Écoutez, il y a même l'artiste derrière. Voilà, en fait, on vous a tout donné. Allez, on file sur le standard. 0262 99 2000, c'est trop simple. C'est trop simple. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est qui au bout du fil? C'est Christine. Bonjour Christine, enchantée. Enchantée. Bienvenue ici dans Grand Matin. C'est la première fois que vous appelez, j'ai l'impression. Oui. Eh ben, qu'est-ce que vous avez attendu? Dites-moi, il y a un problème. C'est pas possible, on vous attendait, nous, Christine. Vous n'êtes jamais venu. Je suis triste, hein. Je suis triste que ça soit qu'aujourd'hui, mais je suis heureux en fait que vous l'ayez fait quand même. Ça c'est bien, ça c'est la bonne nouvelle. Christine, vous faites quoi dans la vie? Secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Christine, vous avez bossé aujourd'hui ou c'est les vacances? Je suis jury aujourd'hui. Ah, vous êtes jury, ah ouais. Et jury pour un concours de quel ordre? Secrétaire médicale? Oui, c'est ça. Ah, il y a des concours de secrétaires médicaux? Ah ouais, je savais pas. Je savais pas, ok. Et donc aujourd'hui, jury. Vous êtes plutôt un bon jury ou un jury un peu sévère, ma chère Je dirais un bon jury, juste. Ah. Un jury juste, ouais, ça c'est important pour ceux que vous allez juger ce matin. Bon, vous êtes bien réveillé? Oui. Bon, vous allez bien juger alors, ça c'est bien. Les titres, peut-être que l'on vient de vous passer, Christine, vous les connaissez ou pas? Le premier, oui. Ouais, c'est qui? Dominique Barré. Ah bah oui, Dominique Barré avec Pour vous, mamzelle. Et le deuxième? J'ai pas bien entendu. Le deuxième, c'est un prénom. Un prénom qui finit par un A derrière. Allez, je vous donne l'artiste, puisque de toute façon, on veut le titre. Il s'appelle Carlos. Carlos. Carlos avec sa guitare. Carlos S. Ça commence par un S, le nom. Et le prénom commence par un M. Marina? Non, pas vraiment. Mais c'est Marie en espagnol. Maria. Ah bah voilà, on y est arrivé. Bon, et je vous l'ai donné. Hein. Merci, vous avez été Maria avec Carlos Santana. Voilà Christine, mais c'est la première fois que vous appelez, donc nous ça nous fait plaisir. Festival de marionnettes, ça c'est peut-être pour vous. Ça se passe, c'est pour vous en fait, on vous l'offre. Hein, on lui offre DJ Fou. Allez, on lui offre. Festival de marionnettes, c'est Strapantin, ça démarre demain. Vous avez des marmailles, Christine? Oui. Ah bah ça tombe bien, ils sont combien? Deux. Ah bah deux, parfait. Ils ont quel âge? 10 et 7 ans. Ah bah, je pense que ça va leur faire plaisir. On vous envoie là-bas double passe pour le festival de marionnettes qui démarre demain au Théâtre des Bambous. C'est pour vous. Merci. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et vous revenez quand vous voulez. Salut Christine. Merci. Au revoir. Il est 5h54. Voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. On nous prie d'annoncer le décès de Madame Waro Marie-Huguette. Madame Waro Marie-Huguette, décès survenu le 7 octobre à l'âge de 71 ans. Le convoi mortuaire sortira du 11 rue Café Vincent Dau à Saint-Joseph ce lundi à 15h30. La bénédiction aura lieu à l'église de Vincent Dau, suivie de l'inhumation. Décès de Monsieur Malbrouki Christian Anatole. Monsieur Malbrouki Christian Anatole, décès survenu hier à l'âge de 81 ans. Une veillée funéraire se tient au centre funéraire de Prima. L'heure et la date des obsèques sera précisée ultérieurement. Décès de Monsieur Bad Ferdinand Auguste, dit Tigus, agent d'entretien au collège Deux Canons à la retraite. Décès survenu le 9 octobre, à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire Prima ce lundi à 13h30. La bénédiction se fera au centre funéraire de Prima à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Alors, est-ce que j'ai des petites infos à vous donner? Bah oui, tiens, une coupure d'eau qui aura lieu mercredi à partir de 8h du côté de Cratère à Saint-Benoît. La distribution sera interrompue. Justement, donc à partir de 8h, la remise en eau se fera en début d'après-midi, sauf incident technique. Donc prévoyez une matinée sans eau si vous habitez le secteur de Cratère. On salue les habitants de Cratère là, qui nous écoutent ce matin sur Première. Vous voulez gagner des cadeaux? Un peu comme Christine? Ah, ça va être possible. Bah oui, parce qu'avant 8h, on vous offre des places de cinéma pour Kubo et l'armure magique. Un film à aller voir en famille, aussi pendant les vacances. C'est très simple, vous envoyez un message au 06 92 70 2000 ou vous likez la page fan. Voici Cocoon. We have gone to the country. Être connu, c'est la musique d'une pub d'un grand concessionnaire français, d'une grande marque automobile française. C'était Cocoon avec Choupi. Vous le retrouvez sur l'album My Friends All Died in a Plane Crash. C'est sorti en 2007, 9 ans déjà. Et moi, j'adore Cocoon. C'est un groupe de pop français qui chante en anglais. Et ça vaut le détour. Vous êtes nombreux déjà sur la page fan ouais, de Facebook, la page fan. Ah, c'est pas top de dit comme ça. Page fan avec Sandra qui est là. Merci de me réveiller le matin. Je vous kiffe. Salut Sandra, salut à Marie aussi. Bisous à Marie qui nous a envoyé son petit déjeuner. Alors vous pouvez nous envoyer vos petits déjeuners, hein, mais il suffit juste de liker la fanpage pour peut-être participer à ce grand tirage au sort qui aura lieu vendredi. On vous offre une croisière sur le Grand Bleu avec Frédéric Joron, pour vous accompagner. Tout ça en musique, c'est pour deux personnes. Et ça se passe samedi sur le bateau concert du Grand Bleu. Ça, c'est peut-être pour vous à la fin de la semaine, à condition de liker la page fan ou de nous envoyer vos petits messages comme d'habitude. Ça nous fait plaisir sur le 06 92 70 2000. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin à nous faire confiance. Eh bien, restez là parce que vous y êtes bien et nous, on est bien avec vous. Donc, continuez de nous envoyer vos messages. On salue Ludovic et Benjamin, notamment, qui sont sur le 06 92 70 2000. Arrivera là dans l'heure Yves Gruyer, forcément, pour l'inforoute. Il nous donnera l'infotrafic tous les quarts d'heure pour nous dire comment ça se passe ce matin. Lundi ensoleillé, lundi 10 octobre, Stéphane Ennilora qui est là. Il est 6h. Bienvenue à tous. Et voici le journal de Stéphane Ennilora. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël. Bonjour. Cactus, rosiers, plantes médicinales, condiments, les Réunionnais font leur marché à l'occasion des florilèges au tampon. Et vous l'entendrez, la star, ça reste l'orchidée. Des dispositifs pour lutter contre les rats bientôt installés sur le Barachois. Saint-Denis lance à partir d'aujourd'hui une campagne de dératisation. Continuez de s'entraîner, restez dynamique, mais ne surtout pas prendre le risque de se blesser. Antoine Guillon livre ses conseils à 10 jours du départ du Grand Raid. Le lauréat de l'édition 2015 co-animait un stage hier à Grand Anse. Et puis les sports, c'est aussi le football. Demi-finale de la Coupe régionale de France ce week-end. L'Excelsior et la JS Saint-Pierroise sont qualifiés. Encore toute une semaine pour profiter de la fête des fleurs. Florilège au tampon, un rendez-vous prisé par les Réunionnais depuis plus de 30 ans. Ça se passe comme d'habitude au parc Jean de Cambière, mais pour cette édition 2016, l'espace d'exposition a été revu et réaménagé. Un espace désormais plus propice à la visite, avec notamment des stands plus visibles. Ce qui ne change pas, c'est la passion de nos concitoyens pour les orchidées. Suzette Emma a pu encore une fois le constater hier en se promenant dans les allées fleuries. Des plants, d'orchidées. Des orchidées et encore des... Des orchidées. Dans une autre allée, peut-être une fleur plus originale. Orchidées, toujours. Eh ben non. Un peu plus loin, madame a les bras chargés, elle vient d'acheter elle aussi. Ben voyez-vous-même des orchidées. Je vais me faire un petit massif qu'avec du rose et du blanc pour mettre dans ma maison. Vous aimez que les orchidées ? Ben oui, c'est beau et puis pas besoin de les arroser beaucoup. Il faudra donc se tourner vers ces messieurs pour autre chose que des orchidées. Lui a opté pour... Ben trois cactus. Quoi les cactus ? Ben parce qu'ils m'aiment bien. Et là aussi, on n'a pas besoin d'arroser trop souvent. Colette, elle, aime les orchidées, mais pas que. On va acheter quelques plantes médicinales, condiments et tout ça. On va prendre, comment ça, du thym, marie-jolaine, de la menthe aussi. Pour la santé ? Oui, un petit peu. La menthe pour le mojito. Oups ! Et la santé en prend un coup. Sinon, à Florilège, on achète aussi pêle-mêle. Des plantes de gerbera. Donc, c'est un rosier et des anthurium. Dans les stands fleuris, chacun trouve son bonheur et c'est là l'essentiel pour Thierry. Il y a quand même pas mal de choix. Voilà. Et puis, il y a des prix qui sont tout à fait compétitifs. Ça vaut la peine. Même une petite balade en famille, c'est intéressant parce que ça permet de profiter des belles réalisations des pépiniéristes. Un reportage signé Suzette, Emma et Florilège. Ce n'est pas forcément tout rose. Pour preuve, plus de 30 horticulteurs demandent une aide d'urgence aux autorités. Leurs exploitations ont été durement touchées par des rafales de vent la semaine dernière. N'hésitez pas, vous aussi, à leur apporter votre soutien, d'autant plus qu'aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, l'entrée à Florilège est gratuite. Faire preuve de civisme pour éviter la prolifération des rats dans la ville, c'est l'objectif de la 12e campagne de dératisation lancée par le chef-lieu à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de sensibiliser les Dionysiens à la problématique du rat. Il serait plusieurs milliers dans l'île et se trouve là où il y a de la nourriture, des déchets et de l'eau. Un des endroits de la commune où on retrouve beaucoup de rats, c'est le site du Barachois. Et on va mettre en place sur ce site des bornes particulières. C'est ce que nous dit Yvette Duchemin, élue à l'environnement. Nous avons décidé d'installer des bornes enterrées. Je vous invite à aller voir ce qu'a fait la ville a fait au Camélia. Il y a des bornes enterrées, donc ce sont des bornes de collecte de déchets enterrées. Les rats n'auront pas accès. Et ensuite, bon, après, c'est le prestataire qui passe et qui vide les bornes. Hein. Ce dispositif va nous permettre de diminuer aussi le manger pour les rats, je dirais, puisqu'ils n'auront pas accès. Et c'est une première aussi sur cet espace. Yvette Duchemann, élue à l'environnement à la mairie de Saint-Denis, interrogée par Jean-Paul Mélade. Les résidents du chef-lieu qui sont aussi invités à retirer à la mairie centrale et dans les mairies annexes le kit de dératisation gratuit muni d'un justificatif de domicile. Lui est conseiller municipal dans le chef-lieu et aussi député socialiste. Philippe Naillet sera l'invité de Philippe Dornier à 7h15. Au menu, le projet de loi sur l'égalité réelle, la continuité territoriale ou encore la lutte contre l'insécurité routière. Et justement, ce week-end, nouvelles opérations des forces de l'ordre. Les policiers étaient mobilisés un peu partout dans l'île. Les gendarmes, eux, étaient concentrés sur le secteur de Saint-Gilles hier matin. Le bilan, plus de 120 infractions constatées et 24 personnes retiré, en cause le plus souvent une conduite sous l'emprise de l'alcool. Les sports, le football, Saint-Pierroise Excelsior, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe régionale de France dans 2 semaines. Les deux clubs du Sud ont obtenu leur billet ce week-end. Samedi soir, d'abord, les Saint-Joséphois sont difficilement venus à bout de l'AS Sainte-Suzanne, un match qui s'est joué au tir au but. Beaucoup plus facile, en revanche, pour la JSSP qui a étrié l'ASC Grandbois, club de deuxième division, un score sans appel de 7-0. Un stage pour peaufiner sa technique, apprendre à mieux respirer et à gérer son mental sur une ultra-trail. C'était hier matin dans le cadre idyllique de Grand Anse, J-10 avant le départ du Grand Raid. Une quinzaine de participants, certains avec des ambitions de finir dans le haut du panier, d'autres tout simplement désireux de parvenir à boucler cette course de fou. Ils ont pu profiter des astuces dispensées par les expérimentés Pascal Blanc, l'organisateur, Christophe Lesseau ou encore Antoine Guillon, lauréat de la Diagonale en 2015 et champion du monde d'Ultra Trail. Antoine Guillon, à qui l'on a demandé comment aborder ces derniers jours de préparation. Alors moi personnellement, ce que je conseille, c'est de rester dynamique, parce qu'on est avant tout des sportifs et il ne faut pas tromper la machine en fait. On est un peu programmé pour le sport, hein. Donc continuer de s'entraîner, mais alors très, très doux, c'est-à-dire moi je fais le même nombre de séances, mais je diminue la durée de moitié. Comme ça, je garde à l'esprit la joie d'aller courir, d'aller dehors, je garde la confiance en moi, mais par contre, je m'économise déjà. Et quand arrive vraiment la dernière semaine, je fais encore une sortie le lundi, une petite sortie, je fais 40 minutes tranquille sur le littoral, juste pour me faire plaisir. Et après, c'est tout. Je vais peut-être marcher quelque part, mais je ne m'entraîne plus, c'est fini. Après, on a assez de kilomètres à faire. C'était Antoine Guillon, l'un des favoris du Grand Raid 2016. Et si vous souhaitez rencontrer le champion, notez bien, il participera ce mercredi à une soirée Ultra Trail à Saint-Pierre, conférences, débats et projections de documentaires, notamment celui retraçant la grande traversée des Alpes de Pascal Blanc, 621 km non-stop. Ticket d'entrée à 2 euros en vente sur place, 10 rue des Fabriques à Saint-Pierre ce mercredi. 70 euros le kilo, ça c'est le prix des bichiques qu'on appelle souvent caviar pays. Les bichiques qui étaient à l'honneur ce week-end sur les berges de la rivière des Roches à Brapanon. La 21e édition de la fête bichique, au programme vente de caries, de samoussa, mais aussi exposition de voitures tunées et activités pour la troisième jeunesse. Mais au final, très peu de bichiques. Depuis 2013, bichiques ne montent plus en masse, mais les organisateurs ont tout de même tenu à maintenir cette tradition pour de multiples raisons, comme nous explique Johnny Lemoyne. C'est pour montrer aux pêcheurs que la fête bichique est toujours là, même s'il n'y a pas de bichique. Et en même temps, c'est pour les sensibiliser, pour respecter la nature, respecter quand même la pêche de bichique. Et on ne voit plus se monter de bichique comme avant. Donc peut-être il faut réfléchir à une autre solution, de façon que les bichiques se reproduisent un peu. À l'époque, on avait proposé de relaisser quand même un passage pour les bichiques et revenir à la pêche traditionnelle, avec les vouvres en nique. Au lieu de mettre des grands lambouillards, je trouve qu'il y a trop de canaux dans l'eau. C'est barré de partout, à l'arrivée de Roche ou à Saint-Benoît. Il y a des canaux devant, juste derrière, il y en a d'autres qui reprennent. Un petit peu plus haut, il y en a d'autres, donc il laisse pas. Si on laissait repasser un peu de bichique, ce serait bien. Johnny Lemoyne, membre de l'organisation de la fête bichique, interrogé par Christelle Floricourt. C'est la fin de cette édition. Place maintenant à l'actualité en France et dans le monde avec Alexandra Dubouchereau de France Info. À la une, le deuxième débat de la présidentielle américaine, il a commencé il y a une heure maintenant et c'est à suivre en direct et en français sur le canal 27 de la TNT. Donald Trump et Hillary Clinton sont debout dans une sorte d'arène et répondent tour à tour aux questions posées par des Américains en plateau ou sur les réseaux sociaux. Après une vingtaine de minutes entièrement consacrées au scandale des propos sexistes du candidat républicain et aux attaques de ce dernier contre l'ancien président démocrate Bill Clinton qu'il accuse d'abus sexuels. Le débat a ensuite tourné autour des emails d'Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État. Donald Trump promet de nommer un procureur spécial pour enquêter sur cette affaire s'il est élu. Échange franc avec souvent des attaques personnelles aussi sur l'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie, le terrorisme, les musulmans ou encore l'immigration. Les décryptages et les analyses, c'est après ce débat dans le 5-7 de France Info tout à l'heure. Toujours aux États-Unis, on vient de l'apprendre, le procureur Kenneth Thompson est mort d'un cancer à 50 ans selon sa famille. Il était connu en France pour avoir, lorsqu'il était avocat, défendu la femme de chambre Nafissatou Diallo dans l'affaire DSK en 2012. La mort aussi d'un géant du cinéma polonais, Andrzej Wajda, réalisateur notamment de L'Homme de Fer en 1981, Palme d'Or au Festival de Cannes. Ses films reflétaient l'histoire complexe de son pays, comme Katyn sur le massacre de milliers de Polonais par les Soviétiques en 1940. Andrzej Wajda avait 90 ans, il est décédé d'une insuffisance pulmonaire. Les États-Unis, aux États-Unis, le bilan de l'ouragan Matthew s'est alourdi, 17 morts, plus de 2 millions de foyers et d'entreprises sans électricité. La tempête s'éloigne maintenant dans l'Atlantique, mais c'est en Haïti qu'elle a fait le plus de dégâts. Près de 900 personnes ont perdu la vie. Le pays a commencé un deuil national de 3 jours hier. 1 million de personnes ont besoin d'aide en urgence, selon le coordinateur humanitaire des Nations Unies en Haïti. En France, première démonstration de force de Nicolas Sarkozy, l'ancien président et candidat à la primaire de la droite et du centre, a tenu un meeting hier au Zénith à Paris devant plus de 6000 militants, selon les organisateurs. Dans un discours de près d'une heure, il s'est posé en candidat des déclassés contre les élites. Premier débat de la primaire, c'est jeudi soir. L'indignation de Jean-Jacques Urvoas au lendemain de l'agression au cocktail Molotov de 4 policiers dans la cité de la Grande Borne dans l'Essonne. Quand on attaque des fonctionnaires qui portent un uniforme, c'est l'État qu'on attaque, prévient le garde des Sceaux. Invité du grand rendez-vous Europe 1 ITL Les Échos hier, l'un des policiers, un adjoint de sécurité de 28 ans du commissariat de Savigny-sur-Orge, se trouve toujours entre la vie et la mort. Une consultation locale inédite à partir d'aujourd'hui à Grenoble. Les habitants de plus de 16 ans sont appelés à voter sur la hausse des tarifs du stationnement adoptée en juin par la municipalité écologiste et contestée par une partie de la population. 6h12, soleil en phare ce matin. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Alors c'est vrai qu'il fait frais quand même au lever du jour, surtout dans les hauts, 6 degrés à peine à la plaine des Cafres, 8 dans le cercle de Mafat, il fait 20 degrés sur le chef-lieu et sur Saint-Pierre pour les Saint-Pierrois qui nous écoutent. Le soleil va réchauffer l'atmosphère parce qu'il va être bien présent dès les premières heures du jour et ce partout sur l'île. Températures qui vont grimper et qui vont atteindre même les 30 degrés sous abri, voire même les dépasser, notamment dans l'ouest. Un peu comme dimanche et samedi, hein, températures qui sont presque chaudes et on va tout doucement donc se diriger vers l'été. Le vent lui soufflera d'est sur Saint-Denis et Saint-Pierre à 50 km/h ce matin, puis il tournera au nord-est en approchant la région du port cet après-midi avec des rafales un petit peu plus importantes, 60 km/h, mer peu agitée là où il y aura du vent. Bref, vous bénéficiez de belles conditions, donc profitez-en bien, surtout si vous êtes en vacances. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et ça bouge déjà à Saint-Paul, on en parle avec Yves Grouillet. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire réunion. Oui, parce que les bouchons n'ont pas pris de vacances, Yves. Bonjour Yves. Bonjour Mickaël, bonjour Isabelle. Isabelle qui n'est pas là, Yves, Isabelle, ce matin. Non, c'est pas tout à l'heure, mais voilà. C'est vraiment l'habitude, c'est vrai. Oui, c'est vrai que on est en duo chaque matin. J'ai fait mon dérapage, alors pourtant je l'avais préparé. Hein. Ben oui, ça arrive, c'est lundi. Parti trop vite. Oui, alors pas forcément partout, hein, les embouteillages. Je suis dans l'est, donc du côté de Beauvallon, et le trafic est relativement fluide. Alors il est assez dense sur la montée de Bel Air et l'échangeur nord de Sainte-Suzanne, mais ça reste fluide par rapport à un lundi normal. Donc là il y a quand même beaucoup moins de trafic. La métamorphose est assez flagrante, plus dans l'est que dans l'Ouest. Alors dans l'Ouest, le premier jour, on a l'impression que les automobilistes de l'Ouest qui circulent sur la route des Tamarins oublie parfois que le premier jour des vacances, ah ben oui c'est vrai ce sont les vacances, donc ils se lèvent quand même assez tôt et donc généralement on suit les jours suivants, ça va déjà un peu mieux. Donc là c'est quand même ralenti à hauteur de la tranchée couverte de Saint-Paul, donc là on peut pas vraiment noter un effet vacances pour le moment, en tout cas sur cette partie. C'est vrai que sur la route des Tamarins vous serez moins nombreux et donc le trafic sera moins soutenu, donc ça devrait quand même se passer un peu mieux, notamment entre Grandfonds et Boucan sur la route des plages, moins de difficultés avec ces vacances scolaires, voilà, donc il va falloir en profiter. Attention, il y a quand même des contraintes, notamment la rue du Pont, cet ouvrage au-dessus de la rivière Saint-Denis, en face de l'église de la Délivrance, fermée à partir de ce matin, et jusqu'au 20 octobre, donc pendant 10 jours, c'est une fermeture totale, il n'y a plus de possibilité de passer, puisqu'on va décaisser complètement la chaussée, faire l'étanchéité, refaire le revêtement, et l'entreprise a 10 jours pour le faire. Voilà, très bonne route, tout c'est un ciel partagé entre nuages et soleil ici dans l'Est, mais route sèche. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire Réunion. Allez, bonne route, puisque ça se passe finalement plutôt bien sur le réseau routier de la Réunion. Il est 6h15, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, si vous êtes au saut du lit, eh bien, écoutez, bon réveil. Hein, profitez bien aussi si vous êtes en vacances. Nous, on va continuer jusqu'à 8h. Et avant 8h, on vous fera gagner des cadeaux. Et notamment, tout à l'heure, là, 20 euros à vous mettre dans la poche. Avec Espace Fraîcheur, vous allez pouvoir égayer votre assiette de belles couleurs, de beaux fruits, de beaux légumes. Tout ça, on vous les offre dans un instant, juste après le marché. De Prisca, on filera au tampon, notamment le marché du tampon qui nous accueille ce matin et qui accueille Prisca. Gérald Le Palmas, le tout dernier, le jour de nos fiançailles sur Première. Je prends les choses comme elles viennent. Sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon, au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Ils ont la haine. Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre. Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs qu'on m'enterre. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Excellent début de journée avec nous sur la première. Cet extrait de son dernier album, La beauté du geste, Gérald de Palmast avec Le jour de nos fiançailles. Allez, c'est le moment de prendre votre téléphone. 02 62 99 2000. On vous remplit le panier de courses ce matin. Oui, avec 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur. C'est maintenant qu'on vous les fait gagner. 02 62 99 2000. Qui veut remplir son panier? Eh bien, vous me le dire. Allez, appelez. À tout de suite. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50. Et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Zatième devinette? Devinez. Cosa, les gratuites. Les zones 5 à couverte VA et Asperazone dans notre pharmacie, ils ne peuvent pas s'en passer, citant tellement les Gaïa pour la sécurité de toutes. Alors, cosa il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien pour traiter ce qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites votre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans votre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, ou tri, et ni ramasse. Première. Allez, un seul numéro pour gagner maintenant 20 euros. Là, on vous les met dans la poche. 02 62 99 2000. Continuez d'appeler parce que l'ordinateur va choisir une région dans l'île. Il l'a pas encore choisi. Donc, vous avez encore une chance, peut-être, de repartir avec vos 20 euros chez Espace Fraîcheur. Hein, c'est eux qui vous les offrent avec Réunion Première. On vous remplit votre panier de course ce matin. Allez, on appelle 02 62 99 2000. Voilà, je vois vos numéros qui s'affichent là. Et on va aller dans quelle région? Alors, ouest, est, nord, sud. Je suis pas sûr. Bon, allez, on va appeler. Allez, appelez du côté du nord, pourquoi pas. Appelez du côté du nord, on va vers la région nord. Maintenant, 99-2000. Non, l'ordinateur me dit région sud. Bah non, on va vers la région sud alors. Allez, on appelle vers la région sud et on va vers Petite-Île. Et on accueille Patricia. Coucou Patricia. Oui, bonjour. Ça va Patricia? Ça va très bien, merci. Bien, vous êtes en vacances vous aussi? Eh oui, ah, bah, deux petites semaines. Eh bah, c'est parfait ça quand même, je veux dire, d'être en vacances. Vous restez donc en vacances jusqu'à dimanche, c'est oui, ça. Vous allez faire quoi? Je ne sais pas trop encore, peut-être un peu de plage, profiter. Peut-être un petit peu de plage. Ben, en plus, il fait super beau en ce moment, donc ça tombe super bien. Et en plus, il fait chaud, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mm-hmm. Vous irez avec qui sur la plage, Patricia? Avec mon fils. Avec votre fils. Ok, il a quel âge le marmaille? Il a 17 ans. Il a 17 ans, oui, c'est un grand marmaille, c'est plus un marmaille en fait. Pour le coup. Exactement. Patricia, je vais vous faire plaisir dès le matin, comme ça, pour vos vacances. Je vais vous faire gagner vos 20 euros. Voilà, c'est pour vous. 20, merci. 20 euros, vous pourrez consommer chez Espace Fraîcheur. D'accord, merci beaucoup. Merci, voilà, Patricia. Radio Première. Eh bien, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances. Merci. Au revoir. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et nous, on va filer sur le tampon où il fait aussi beau, Prisca. Hein. C'est un bonheur de faire son marché comme ça ce matin. Prisca. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bah, si, on vous entend. Prisca, parce que j'ai du mal à vous entendre parce qu'en fait, je suis pas très loin de la chambre froide, hein, toujours au marché couvert avec un marin-pêcheur. Alors, ici, c'est vrai que c'est très conclu parce que vous avez un charcutier, vous avez la possibilité de faire le plein de vitamines avec encore hein, des oranges pays que vous allez pouvoir déguster ce lundi. Bonjour, le marin-pêcheur, comment il est? Il est là. Vous avez mis les bottes, le tablier? Ben, toujours. Ouais. Parce que là, on est dans le froid tous les jours. Ouais, oui. S'il n'y a pas des bottes, là, on ne peut pas. Ouais, vous venez de casser la glace dans la vitrine, c'est pourquoi? C'est pour mettre le poisson dessus, le thon, le poisson rouge, la dorade, le géhamon, l'espadon. Mm-hmm. Ça vient d'où, ça, ces poissons, ça, au large de Saint-Pierre? Au large de Saint-Pierre, toujours. Ouais, la partie pêchée, la mer était bon, là, hein? L'été un peu moins bon, mais la pêcher quand même. C'est un dur métier, donc vous avez de la dorade aujourd'hui. De la dorade, du thon banane, du thon géhamon, de l'espadon, du thon rouge. Il y a de quoi faire. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Tartare, carie. Du poisson rouge. C'est-à-dire poisson rouge et poisson rouge. C'est quoi la différence entre poisson rouge et le poisson rouge? Le thon rouge et le poisson rouge. Voilà. Ah, c'est le goût qui change. Hein. C'est le goût, hein. Tout à fait. Parce qu'en fait, le poisson rouge, c'est un poisson de fond. C'est un poisson de fond. Mm-hmm. Tout à fait. Le prix aussi, hein, change aussi. Raisonnablement. Combien ça coûte? 35 euros. Ça va. Pour un petit carré, il faut combien de poissons? Bah, là, le rouge doit faire à peu près un kilo 100 à peu près, un rouge. Et le thon rouge? Le thon rouge était quand même assez gros. Combien ça coûte? 13 euros. 13 euros. On peut se faire un petit plaisir. Euros. Allez, on peut et faire. Le jamon est à 12 euros, la dorade à 16. Ouais. Le spadon est à 16,80 €. Et vous n'étiez pas là ces derniers temps? Vous êtes de retour là au marché couvert? Ouais, on est de retour, on avait des problèmes de machine de chambre froide, de glace. Et... Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On va venir vous voir aujourd'hui, parce qu'en plus c'est la fête, hein, au tampon. C'est les florilèges. Donc pour ceux qui vont venir se détendre ici dans le sud, on aura peut-être le plaisir de se rencontrer tout à l'heure dans les rues du tampon, dans la colle Jacques, avec Jackie. Nous, ça parle du goûter longtemps. Ah bah en plus ça vous aurez de quoi faire au tampon dans le centre-ville, le goûter longtemps, il y a de quoi faire avec tous les artisans. Ça va être sympa entre 8h et 10h comme un air de vacances, Prisca, profitez-en bien hein, là-bas au tampon. Hein, de cette ambiance vacances. À tout à l'heure, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Salut à Bernard qui est sur la route en ce moment avec Réunion Première depuis 4h du matin. Coucou à tous les routiers. On salue aussi Ludo qui nous dit qu'il y a un embouteillage vers Belle-Pierre pour la grève au CHU de Belle-Pierre. Donc faites attention dans le secteur, prudence et puis surtout levez le pied. Et beaucoup de courage, même si ce sont les vacances pour certains, d'autres travaillent. Mais c'est avec nous dans Grand Matin, ce matin entre 5h et 8h. Michael Jackson, un incontournable. Billie Jean, bonne journée à la Réunion. Déjà 34 ans, ce titre est toujours pas une ride. Tout le monde le connaît, Michael Jackson avec Billie Jean. On file dans l'Est avec Yves à Grand Étang. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Et comme souvent, des ralentissements à Saint-Paul et à Saint-Denis, Yves. Oui, Saint-Paul, toujours au niveau de la tranchée couverte en haut du viaduc du Bernica. Et puis, alors avec un trafic pas trop surchargé quand même sur la route d'Igue et notamment vers Savannah. Et puis ensuite, sur la route du littoral, bien c'est à l'entrée du tunnel du Cap Bernard. Donc, se situent les ralentissements. Attention, par contre, le pont Vinson est déjà encombré. Ça, c'est l'effet fermeture de la rue du pont, hein, parce que ça y est, c'est déjà fermé. Cet ouvrage au-dessus de la rivière Saint-Denis permettant de rentrer par le centre-ville au niveau du bas de la rivière. Donc, attention à cette contrainte, c'est fermé, hein, donc tout de façon définitive, jour et nuit jusqu'à la fin des vacances, jusqu'au 20 octobre. Donc attention à cette contrainte, donc du monde déjà sur le pont Vinson pour entrer vers le carrefour de Bellepierre. À l'entrée est, toujours fluide. Il y a un petit peu de monde sur la fin des Lancastères, à hauteur du pont Pasteur actuellement. Et côté est, c'est relativement fluide. Attention donc sur la partie basse de la route des Plaines, toujours une chaussée dégradée à hauteur de bras fusil face aux stations. Des travaux qui sont prévus encore toute cette semaine d'aménagement de chaussée et de trottoirs surtout. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Merci de nous faire confiance. Vous êtes bien sûr première, il est 6h30. Toute l'actualité avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Une route du littoral bichonnée pour ce lundi matin. Hier, la direction des routes a organisé des purges de la falaise. La route était fermée, de l'entretien a été greffé aux travaux et la route est ouverte sur quatre voies ce matin. Des kits de dératisation pour les particuliers à Saint-Denis. La ville lance une nouvelle campagne pour lutter contre la prolifération des rongeurs. Explication dans ce journal. Les producteurs de fleurs coupées pénalisés par le vent violent qui a soufflé dans l'ouest et le sud la semaine dernière. Ils demandent de l'aide pour remettre en état leurs exploitations. Et puis 2000 seniors en pleine forme hier à Petite-Île. Bouger, c'est bon pour la santé. Et le message est bien passé. Reportage dans cette édition. Les lundis se suivent et ne se ressemblent pas sur la route. Ouf, me direz-vous, les vacances scolaires plus une route sur quatre voies cette semaine. Rien à voir avec la galère de la semaine dernière sur la route du littoral. Même si ça bouchonne un peu sur le pont Vinson, nous disait Yves à l'instant. Hier matin, la direction des routes a fermé l'axe pour opérer des purges de la falaise. 6 cordistes ont été déployés pour détacher tous les blocs instables. Des blocs qui ont terminé leur course pour certains sur la route. Un filet devra être installé à cet endroit pour bien les retenir dans le piège à cailloux. Par ailleurs, la route étant coupée, d'autres travaux ont été entrepris le long de la chaussée. On écoute Pascal Ouarot, le responsable adjoint à la subdivision routière Nord. On a voulu profiter de cette fermeture pour continuer l'exploitation de cette route du littoral, notamment la réparation de la chaîne de blocs qu'on a sur les voies côté mer, du débroussaillage, on a fait aussi du balayage. On a profité aussi pour les travaux de la nouvelle route du littoral, permettre à différents opérateurs d'y être et de faire des levées. Des travaux qui auraient pu se faire en neutralisant une voie, donc ça aurait créé une gêne supplémentaire à l'usager. On a voulu minimiser cette gêne en profitant de cette fermeture totale. Plus aucune intervention sur la route du littoral pour les prochains jours? C'est ce que nous espérons, mais cette route du littoral, comme nous-mêmes, nous sommes soumis aux lois de la nature, à la pluie, au vent, tous les éléments naturels de la vie. Seulement ces éléments nous diront s'il y a à intervenir ou pas. Pascal Ouarot, responsable adjoint à la subdivision routière Nord, répondait à Priscilla et Thève. La route côté contrôle, cette fois hier, les gendarmes ont effectué pas moins de 330 contrôles dans le secteur de Saint-Gilles et le bilan est plutôt alarmant. 52 conducteurs alcoolisés, 22 d'entre eux ont vu leur permis de conduire retiré immédiatement et leur véhicule immobilisé. Le taux le plus élevé est de 2,16 grammes d'alcool par litre de sang. La police a également effectué des contrôles ce week-end et ce partout dans l'île, 281 véhicules contrôlés. Et au final, 75 infractions relevées, 11 véhicules ont été immobilisés, 2 permis de conduire ont été retirés. La chasse aux rats est ouverte à Saint-Denis. La ville lance aujourd'hui une nouvelle campagne de dératisation, une opération menée juste avant le début de l'été pour éviter que les rongeurs ne prolifèrent trop. Si vous habitez à Saint-Denis, vous recevrez un kit contenant de la mort aux rats, un appât à mettre dans votre jardin à côté de votre maison. La lutte chez les particuliers s'ajoutera à celle des services communaux. Jean-Paul Mélade. Au service de l'environnement de la ville de Saint-Denis, la traque est intensifiée durant cette campagne de dératisation. Emmanuel Exposito, responsable de la salubrité. Nous, service, en concomitance, nous faisons en même temps nos voiries, nos bâtiments publics, tous nos espaces. Comme ça, tout le monde agit en même temps pour être plus efficace dans cette lutte. On prévoit une semaine de sensibilisation. Bon, après, bien sûr que nous, c'est toute l'année. Hein. Les appâts que vous recevrez, vous les mettrez sur les lieux de passage du rongeur ou dans des trous. Ils sont presque inoffensifs pour l'homme et l'animal, sauf à ingurgiter l'équivalent de son poids, ce qui est impossible. Tous nos produits ont un amérisant. C'est-à-dire, c'est comme du fiel. Quand vous le mangez, vous crachez tout de suite, vous ne pouvez pas le manger. Il n'y a que le rat qui peut le détecter. Et ce qui fait que même si ce soit un chien, n'importe quel animal, ou même un enfant, ben il le recrache parce que c'est comme du fiel, vous ne pouvez pas le tenir dans la bouche. En revanche, l'animal se laissera piéger, ce qui est le but. C'est vraiment calculé juste pour un rat de 400 grammes, 500 grammes. Ils sont à base d'anticoagulants. Ce qui fait que le rat il ne meurt pas tout de suite. Ce qui permet qu'il va grignoter un morceau, et ce qui permet aux autres rats de venir grignoter aussi. Voilà. Ainsi, le tour est joué. Et cette campagne dure toute cette semaine. Les florilèges se poursuivent au tampon avec un gros coup de cœur des visiteurs pour les orchidées. Elles ont la cote cette année encore. Les horticulteurs sont donc à la fête cette semaine. Mais la semaine dernière, certains d'entre eux ont vécu des heures difficiles. Leurs exploitations ont souffert du vent. Rappelez-vous, ça a bien soufflé dans l'ouest et le sud. Les mangues sont tombées à terre. Les fleurs n'ont pas été épargnées. Les producteurs de fleurs coupées notamment interpellent le conseil départemental pour obtenir une aide d'urgence. Éric Vitry, technicien horticole à la Chambre d'agriculture. Il est allé constater sur place les dégâts. Alors on a beaucoup de serres qui ont été touchées, notamment la bâche, hein, et quelques structures qui ont été écrasées, empantées. Plus d'une trentaine de producteurs qui ont été directement impactés, plus ou moins fortement, avec des gros dégâts, notamment sur les hauts du bras creux, hein, où quelques producteurs ont perdu leur production pour la Toussaint, par exemple. Oui, c'est vrai que la période, ça tombe mal, puisque c'est la Toussaint dans quelques jours. Alors les fleurs sont en pousse pour la Toussaint, et les fleurs sont relativement fragiles parce qu'ils sont sous abri. Donc là, ils ont été débâchés, chahutés par le vent, et donc des dégâts irrémédiables pour la prochaine récolte. Éric Vitry, technicien horticole à la Chambre d'agriculture, répondait à Suzette Emma. Agriculture toujours avec cet autre rendez-vous hier au parc du Colosse à Saint-André. Des produits 100% locaux vendus directement du producteur au consommateur. C'est le principe du marché pays qui s'est tenu sur place. Et pour remporter à la maison ses carottes, ses beignets, pas forcé d'opter pour des sacs plastiques. Je vous rappelle qu'ils doivent disparaître. Sarah Ibon propose une alternative. Elle tenait un stand hier à Saint-André. Ça, c'est les paniers vaquois. On fait aussi du coco. Il y a plusieurs techniques de tresse. Donc là, on a un canage avec trois types de tresse, trois types de vaquois. Nos paniers, vous avez une durée de vie de 30 ans. Donc c'est sûr que quand vous repartez avec votre tante au vaquois, là, c'est sûr que vous gardez pour toute la vie. Même vos petits-enfants reprennent ça. C'est bon, quoi, ça dure. Hein. Donc c'est 100% pays, ça. 100%. Il n'y a pas de conservateur, rien. Donc c'est vraiment avec le temps et la passion de le faire, quoi. Le panier bio de Sarah Ibon de la coopérative Carrefour Océan Indien, interrogée par Christelle Floricourt. Du sport avec 2000 Gramoun en grande forme. Ils étaient réunis hier au stade de Petite-Île pour la 6e édition du Challenge des seniors. Objectif, lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées, prévenir les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou l'hypertension et inciter les plus de 60 ans à la pratique d'une activité physique. Et visiblement, les participants hier ont compris le message, Suzette Emma. Personne n'a 60 ans ici, a déclaré en préambule Gérard Goriot, président du Challenge des seniors. Et ils l'ont prouvé toute la journée en participant aux multiples activités proposées. Max, 68 ans, est en grande forme. Ben, y a le lancer franc, vélo couché, après espèce pétanque en plastique, là. Les 6 minutes de marche, le relais de 100 mètres. Max travaille le corps et aussi l'esprit. Il fait des sports cérébraux, c'est-à-dire des jeux à la télé. Et mots croisés, et puis tout ce qu'il y a dans le jeu qui touche à la culture. Pour rester en vie, en quelque sorte, pour garder aussi le sourire et la forme. Forme et santé qui reviennent comme des leitmotivs, les messages de prévention sont bien passés. Je suis à toute la santé. Ça me fait du bien de faire tout ce truc que j'ai jamais fait de ma jeunesse, quoi, en fait. On prend de l'âge, mais on est actif. Ça fait du bien. Oui, pour marcher, on dirait mi-marche un petit peu plus. Mon diabète est normalisé. manger. Et ni rond ni normal. Oui, laisse pas, il ne faut pas arrêter. Une belle leçon de vie, un véritable pied de nez à la jeunesse et... C'est un gros coup de pied à la vieillesse. Et des seniors en super forme, il y en aura aussi sur le Grand Raid. La Diagonale des Fous débutera dans 10 jours et pour certains trailers, ces derniers jours avant la course peuvent servir à peaufiner la concentration, la préparation mentale. Il faudra tenir malgré la fatigue et la difficulté du terrain. Hier, un stage entre pratique et théorie a réuni une quinzaine de coureurs à Grand-Anse. Le rendez-vous était organisé par la société de coaching sportif Experon Performante. C'est dirigé par... trois trailers très expérimentés, Pascal Blanc, Christophe Lesseau et enfin le vainqueur du Grand Raid et de l'Ultra Trail World Tour en 2015, Antoine Guillon. Leurs conseils sur la respiration, la concentration, le mental ou encore les techniques de descente vont s'avérer précieux. Mais hier, tout a commencé par une séance de yoga. Pourquoi l'éclairage de Pascal Blanc ? Ce qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'on est obligé de prendre conscience des muscles qu'on contracte, d'avoir conscience de sa position dans l'espace et de la manière dont on respire. Et c'était ça qui était intéressant pour introduire le stage. Donc après, sur le sentier, quand on est sur le Grand Raid, c'est la respiration, c'est plein de choses comme ça, non, sur lesquelles on peut travailler. Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un comportement qui est ancré, automatisé, à chaque fois qu'on va rencontrer une situation qui ne va pas nous aider, en fait. Et donc de pouvoir avoir une solution à toutes les problématiques qu'on va rencontrer. La pire des choses, c'est d'arriver devant une situation à laquelle on n'a pas pensé. À ce moment-là, ça peut partir n'importe où. Pascal Blanc, qui sera lui aussi engagé sur le prochain Grand Raid, répondait à Stéphane Hénilorac. Il présentera également deux documentaires ce mercredi à Saint-Pierre lors d'une soirée spéciale Ultra Trail. Vous allez faire le Grand Raid, Cécile, donc vous allez vous mettre au yoga. Cette puis... année, hein, c'est pas possible, j'ai pas ouais. mon dossard. Mais non, l'année prochaine. Peut-être un jour. Un an de yoga et peut-être le Grand Raid. Hein. Ouais. on peut essayer ce allez. Genre d'entraînement. Pourquoi pas. Il faudra essayer aussi, Michael. Hein, je vais essayer, on va essayer toute l'équipe de Grand Matin, mais je pense qu'on fera le Grand Raid dans l'instant yoga. On peut faire yoga. Le ravitaillement, les citrons, voilà. les oranges, tout ça là, c'est bien. Voilà, c'est... je pense qu'on sera mieux. On sera mieux à ce niveau-là. Merci Cécile, on se retrouve pour les unes de la presse à 6h50. Belle journée sur La Réunion. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Eh oui, beaucoup de soleil ce matin les amis, puis ciel nuageux cet après-midi, notamment sur les hauteurs hein, de la Ravine à Malheur, jusqu'à la Saline-Léon, on pourrait même avoir une ou deux averses partout ailleurs sur le littoral. On gardera de belles éclaircies avec des températures qui seront presque chaudes, 30 degrés attendus au maximum du côté de Saint-Gilles. On fera 28 à Saint-Denis, tout comme à Saint-Pierre, et 27 dans l'Est. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. On va faire un point sur les routes maintenant à 6h41 avec toujours hein, ces ralentissements à Saint-Denis notamment à l'entrée ouest et puis du côté de Saint-Paul. Les bouchons de ce côté-là n'ont vraiment pas pris de vacances. L'inforoute vous est offerte par Q-Tech, machine à boire Réunion. C'est beaucoup plus calme par contre du côté est et vous êtes à la plaine des Palmistes. Oui, oui, je suis plein des palmistes. Alors bon, quand il y a un poids lourd ouais. ou un véhicule un peu plus lent, il peut y avoir quelques ouais. ralentissements derrière, donc une file de voitures, mais après, bon, ça se passe bien. Sur la route des plaines, généralement, il n'y a pas trop de difficultés non plus, hein, donc le trafic est un peu dense en se rapprochant de Saint-Benoît, ce qui n'est pas trop le cas là pour le moment. La déviation de Saint-Benoît, ça roule. Du côté de la Marine, ça roule en ce moment, donc la montée de Bel-Air dégagée, donc ça c'est l'effet vacances. Côté Est, c'est quasi immédiat, donc premier jour des vacances, on voit tout de suite la différence. Alors, il y a quand même un trafic assez soutenu donc en se rapprochant de Saint-Denis, mais c'est roulant, alors que dans l'Ouest, il y a encore ces ralentissements, toujours sous la tranchée couverte de Saint-Paul, ceci dit, hein, l'embouteillage n'augmente pas. Donc pour vous qui descendez sur le viaduc et la route digue de Saint-Paul, et puis normalement pendant cette période de vacances, l'embouteillage se termine plus tôt donc dans la matinée. Attention, toujours trafic ralenti à hauteur du tunnel du Cap Bernard à l'entrée ouest de Saint-Denis, et le pont Vinsane qui reste toujours dégagé, je rappelle que la rue du pont est fermée. Puis vous notez sur vos agendas, attention, des travaux de purge sont prévus jeudi et vendredi, hein, c'est en fin de semaine, au niveau des rampes de Basse-Vallée, ce sera de nouveau des coupures de 3/4 d'heure au programme, donc ce sera pour la fin de la semaine, ne l'oubliez pas. L'inforoute vous a été offerte par Q-Tech, machine à boire Réunion. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, on est reparti pour cette suite de Grand Matin. C'est la deuxième partie de votre matinale avec avant 8h. S'il vous plaît, on vous fait gagner vos places de cinéma, ça c'est pour vous, pour aller voir Kubo et l'armure magique. Et ce film est à gagner tout simplement en faisant quoi? C'est très simple, vous envoyez votre message sur le 06 92 70 2000, vous rejoignez la communauté de Grand Matin, j'aime Grand Matin, I love Grand Matin, I like Grand Matin, me love Grand Matin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous envoyez le message sur le 06 92 70 2000 et vous doublez vos chances si vous likez la page fan de Facebook Grand Matin, ça se trouve sur votre réseau social GRAN, un petit peu plus loin matin, et vous retrouverez la page histoire de faire monter le chiffre, parce que l'objectif les amis là, c'est de dépasser les 1100 fans. Vous l'avez donné la semaine dernière, c'est à vous de le faire sur cette fameuse page Facebook petite famille, mais effectivement beaucoup de plaisir à vous voir plus nombreux chaque matin. On vous offrira aussi en fin de semaine peut-être votre croisière musicale avec Frédéric Joron. Vous serez les invités VIP de ce bateau concert pour deux personnes avec le Grand Bleu, à condition bien sûr de jouer maintenant, et puis pourquoi pas tout simplement de rester avec nous pour Lecce, hein, c'est même sûr, vous allez rester avec nous pour Lecce qui revient, vous savez, l'a dit l'a fait. C'est assez courant à La Réunion, on est un petit peu les champions du monde à ce niveau-là. Depuis quelques années, c'est très très développé, notamment sur Facebook. Hein, Facebook, on s'en est servi, on a vraiment pris le train en marche. Hein. Facebook, ça nous sert pour l'a dit l'a fait. Et Lecce en parle ce matin. Avant, quand vous voulez faire un commérage, où t'es sort toute case et où t'es descend de la ruelle, où t'es passe de barreau en barreau et où t'es croise avec coup de bande voisin pour faire l'a dit l'a fait. Avec le téléphone, où l'envie de commérage l'était simplifiée. Plus besoin sorte la case, l'est beaucoup plus pratique quand la pluie tombe. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, le sport préféré des Réunionnais l'a pris une toute nouvelle dimension. Non seulement on peut faire la dite affaire avec Kouban Camarade, mais en plus de Mouni publie des photos et des vidéos pour nourrir de commérage. Où l'a même plus besoin rôder, le Mouni donne à ou directement de quoi occupe son qui. Facebook, c'est l'outil ultime de la matante. Oh, l'a vu comment Mireille l'a grossi, il a mis ta photo son boug avec lui, il y ressemble pas rien, oui. Il juge ou de vie en misouk, il vérifie de photos de vacances, ou de bougs, ou de femmes, ou de enfants, ou de famille, quel meeting politique ou la partie pendant les élections. Faut dire que de mon écouillon aussi, on n'est pas obligé de partager toute notre vie sur Facebook, surtout qu'il y a des vies plus intéressantes que les autres. Oui, mais avec mes contacts, mon fil d'actualité, c'est carrément un grand écart. Entre un ami qui publie les photos de ses vacances à Los Angeles et dans les parcs nationaux américains, et celle qui met en photo son pain américain acheté d'un camion-bar à côté de la gare Saint-Louis, avec le commentaire « Déjeuner surprise avec mon amoureux ». Il y a carrément un monde. Hashtag mixité sociale. Et bien sûr, Facebook est l'endroit le plus hypocrite d'Internet. Tu cliques sur j'aime, tu laisses un commentaire gentil. Ah, trop de la chance, elle a trop bon qu'on se mange. Alors qu'intérieurement, mange même affaire gras ma fille, va pas arranger de corps ça. Déjà coûtait pas joli depuis qu'on a tanné de cheveux orange. Certains ont quand même compris que Facebook était l'endroit idéal pour faire leur star. Ceux qui changent de photo de profil tous les jours en faisant des poses de mannequin et en mettant des citations profondes. La beauté n'est que le reflet d'un corps qui respecte son âme. Clairement, le bon Moon, il sent plus notre corps, là. Mais il a quand même 8 fautes d'orthographe dans la citation en question. Quoi qu'on mette sur Facebook, il nourrira forcément le matante en manque de la dilafée qui sommeille en chacun des réunionnais. Même les coups de gueule que Zoti poste. Ouais, mais il est pas d'accord sans le maire, c'est un moukat. Là où les catalogués comme opposant le maire. Le lendemain, où l'eau, où l'électricité, les couper. Parce qu'il y en a un macro de la mairie, il a vu ça sur Facebook et l'a dit tout de Moon. Donc, Marmaille, veille bien que ça t'y mette sur Internet. De Mounikoz un tas. Il faudrait pas que ça t'y publie une vidéo où ça t'y totoche un Marmaille avec une ceinture et qu'il utilise ça comme bien sa conviction. Prends soin de toi, toi et tes réseaux sociaux. Facebook à consommer avec modération. On retrouvera Lecce à 16h50 dans le bon tempo avec David. Les unes de la presse, c'est ce qui arrive. Et puis on parlera aussi de cette caravane des 10 qui a été lancée lundi dernier avec Jean-Claude Toison. Une caravane où on parlait des maladies comme la dyslexie, notamment, qui peuvent toucher vos marmailles. On verra ce que ça a donné. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des 10. À tout de suite. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid.

la Saint-Pierroise qui rejoint l'Excelsior en finale de la Coupe régionale de France. On ne blague plus avec le sexisme, titre le journal de Lille ce matin. Non, 40% des femmes disent avoir été victimes de propos sexistes au travail contre 1% seulement des hommes. L'État lance une campagne de sensibilisation. Autre titre, interview de Marie-Joseph Mallet, le PDG d'Aerostral. French Blue ne fait pas de low cost. À Saint-André, 50 familles obligées de créer leur propre captage d'eau. Football mondial 2018, Pays-Bas-France ce soir, les Bleus doivent passer à l'orange, titre le GIR. Et puis Coupe de France, la Saint-Pierroise atomise Grand-Bois en demi-finale 7-0. Mieux qu'il passe à l'orange qu'au rouge. Hein. Dans la presse nationale, la primaire de la droite et du centre en une du Figaro ce lundi. Oui, Juppé creuse l'écart sur Sarkozy. Selon un sondage Kantar Sofres One Point pour le Figaro, RTL et LCI, le maire de Bordeaux obtiendrait 42% des voix au premier tour devant le président des Républicains, crédité de 28%. Autre titre, Alep, Moscou isolé après son veto à l'arrêt des bombardements sur la ville d'Alep. Et puis un policier entre la vie et la mort après une attaque au cocktail Molotov. Donald Trump en une de Libération. Le visage de Donald Trump tout bleu. Franken-Trump, écrit Libé, tempête sur la campagne du milliardaire américain après l'exhumation d'une vidéo où il justifie les agressions sexuelles. Le candidat républicain échappe désormais à tout contrôle, écrit Libé. Autre titre, chantier de Saint-Nazaire, l'État prêt à racheter. Et puis Paris se souvient d'Oscar Wilde. Et encore, à nouveau, le match des Bleus, ce soir en une de l'équipe. Oui, les Bleus jouent face aux Pays-Bas ce soir en vue de se qualifier pour le Mondial 2018. Et l'équipe titre, viser la tête. La tête du classement, oui. J'espère, en photo Dimitri Payet et Antoine Griezmann. L'équipe qui consacre tout un article à Payet aujourd'hui. Et puis en tennis, le blues de Djoko. Ça va un peu moins bien en ce moment pour Djokovic. Il faut peut-être l'aider, Djokovic, un peu. Ah ben si, il a besoin d'aide, il faut nous le dire. Bah oui, j'imagine, Cécile, que ça ne vous dérangera pas de l'aider. Merci Cécile, à tout à l'heure, 7h pour l'information avec Stéphanie Lorac. Grand matin, l'appel réveil. Dysorthographie, dyslexie, ça vous dit peut-être rien ce genre de terme, mais ce sont des troubles qui touchent vos enfants. 10% des enfants sont touchés, des troubles dans l'espace, dans la lecture des mots, la perception des formes. On en parlait d'ailleurs lundi dernier. Une caravane avait été lancée, on avait pris le départ de la caravane avec toute la troupe lundi dernier. Objectif, sensibiliser les familles à ces troubles justement. Bon, avant le résultat maintenant, parce que nous on prend toujours des nouvelles de ce qu'on a lancé avec Jean-Claude Toison qui est avec nous. Salut Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes président de l'association Dissemble. Alors déjà, cette caravane est arrivée à bon port aujourd'hui. Oui, ouais. Je dirais que moi, on est content là, parce que nous l'a fait toute une semaine, nous l'a pu faire ce qu'il fallait. Super. Et aujourd'hui, la journée nationale des 10, nous l'est à Saint-Benoît pour notre dernière journée. Donc, à compter de 9h sur la place du marché couvert à Saint-Benoît, et cet après-midi, une petite conférence pour clôturer tout ça. Donc, forme. Super, c'est ça qui est important. Ça tombe bien, effectivement, comme Jean-Claude vous l'avait dit. Jean-Claude, aujourd'hui, c'est la journée nationale des 10. Donc, on parle de ces troubles 10 et la caravane est là pour ça. Est-ce qu'il y a des familles qui ont appris cette semaine que leur enfant était touché par ces troubles-là? Alors, ce qui était surprenant, c'est qu'il y a eu des familles, effectivement, qui ont appris à connaître les différents troubles pour pouvoir alerter, puisque malheureusement ou heureusement, c'est nous-mêmes parents qui devraient informer au même titre qu'une grippe. L'école, que mon enfant a un souci. Ah oui, parce que peut poser des problèmes à l'école. Oui, parce que si on ne sait pas nous-mêmes ce que c'est que les troubles 10, comment on va alerter les établissements scolaires, donc ça c'est assez compliqué. Et là où ce que j'ai fait, enfin qu'on a pu faire avec cette caravane, c'est qu'il y a certains parents qui se sont eux-mêmes reconnus, parce que eux-mêmes avaient le trouble sans que je les connais aussi. Ah oui, ça vient des parents des fois aussi. On ne sait pas si c'est génétique ou non, Jean-Claude. N'a jamais vraiment été mesuré pour dire que, scientifiquement prouvé, mais il y a de fortes suspicions, parce que comme il regarde à moi, elle a rencontré un parent sur Saint-Paul, et que, pareil, même elle a réussi à faire pleurer un homme, malheureusement. On est sensible. Oui, parce qu'il culpabilisait, parce qu'il savait pas que son enfant avait, que ça fonctionnait comme ça, et on s'acharne sur lui, enfin entre guillemets s'acharner, pas avec une telle violence, mais Je veux dire, on va crier avec son enfant sans savoir qu'il ait une dyspraxie, par exemple. C'est ça. Et cela pose des problèmes dans la vie de tous les jours. Ça pose des problèmes à l'école. Donc c'est bien qu'il y ait cette caravane qui aille un petit peu dans l'île pour en parler. Alors c'est un handicap, hein. Les parents ont du mal à le comprendre, mais ça effectivement handicape la vie de tous les jours. Où en est la recherche sur ces troubles 10, Jean-Claude? Ben, on a là signalé, enfin les enfants qui sont signalés, ils sont à hauteur de 8 à 10%. Oui. On arrive à par rapport aux thérapeutes, mmh, à mettre en place justement certaines méthodes de compensation ou de contournement, oui, avec des logiciels. Ouais. On a un partenariat, nous par exemple, avec un logiciel de Métropole. Mmh. Enfin c'est une jeune start-up et qui fonctionne. Si les gens veulent avoir des renseignements, ils nous appellent sur le 66 75 16 06 92, bien entendu. 66 75 16, ça c'est le numéro de l'association dit semblable. Ouais. Voilà, donc et on peut répondre à ces questions-là pour avoir justement certaines méthodes qui sont là accompagnées d'un ordinateur. Ça a pouvoir donc justement d'aider les enfants qui ont de grosses difficultés en lecture et en écriture. Il y a des méthodes de compensation. Ouais. On peut aider les enfants qui sont atteints de ces troubles. Vous l'avez donc dit justement pendant toute cette semaine avec la caravane. Vous continuerez à le dire grâce à l'association Dissemblable. On rappelle le numéro quand même de votre association pour les parents, parce qu'il y en a plein de parents qui nous envoient des messages dans Grand Matin qui sont reconnus avec leurs enfants. Le numéro, Jean-Claude, c'est le... Alors 06 92 66 75 16. 66 75 16, c'est le numéro. Et vous serez à Saint-Benoît aujourd'hui. Donc à voilà, quel niveau toute la journée. Vous serez à quel niveau? Alors, on sera au niveau du marché couvert de Saint-Benoît, là, ce matin, voilà, avec un stand pour accueillir les gens. Et cet après-midi, on va faire une conférence là-dessus pour pouvoir, justement, bien détailler les différents troubles 10, puisqu'il y a une multitude de troubles 10, et on en découvre encore, d'ailleurs. Merci, Jean-Claude Toison. Bonne journée. Bonne journée. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Allez, un point sur le trafic de vos vacances avec Yves Bourrier. Oui, avec attention les bouchons à l'entrée de Saint-Denis, alors qui sont au niveau des potences maintenant, mais c'est surtout la circulation qui se fait sur la montée U2 qui est complètement saturée en ce moment, des embouteillages qui démarrent depuis quasiment la partie basse, c'est-à-dire hauteur du tunnel, pour remonter toute cette montée, donc rejoindre le pont Vinsan, très encombré en direction du carrefour de Belle-Pierre. La contrainte, c'est la rue du pont, donc fermée totalement, donc il n'y a pas de circulation dans un sens ou dans l'autre, donc les automobilistes qui descendent de la montagne viennent également gonfler cette entrée de Saint-Denis sur la partie haute. Donc vaut mieux rester sur la partie basse, et donc les bouchons sont à hauteur des potences maintenant, et donc toute cette montée U2, soyez patient bien entendu avec cette contrainte qui va se dérouler pendant toutes les vacances, hein. Donc c'est mal parti là. Ce qui concerne le trafic, 200 mètres avant la tranchée couverte de Saint-Paul, voilà le début des ralentissements pour la fin de la route des Tamarins. Entrée est toujours fluide, la circulation dans l'est se fait d'ailleurs toujours correctement. Petite température, 12 degrés en ce moment au niveau du col de Bellevue, mais il y a un gros soleil bien chaud. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Allez, on a un petit peu de retard. 7h passées d'une minute à la Réunion. Bienvenue à tous. Voici le journal de Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Michael, bonjour à tous. Respiration, concentration mentale, mais aussi technique de course, autant d'éléments à maîtriser avant le départ du Grand Raid dans 10 jours. Les participants peaufinent leur préparation, comme hier, lors d'un stage à la petite île. Reportage dès le début de ce journal. Les sports, c'est aussi le football et la Coupe régionale de France. L'affiche de la finale est connue depuis hier. Saint-Pierroise Excelsior, ce sera le 23 octobre prochain. Plus de 20 permis retirés, des dizaines d'infractions constatées. C'est le bilan des contrôles routiers du week-end. À 7h15, l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit Philippe Naillet, député socialiste et conseiller municipal de Saint-Denis. Il sera notamment question d'égalité réelle, de la menace terroriste et de la primaire à gauche. J-10 avant le départ du Grand Raid. Ils sont des milliers à compter les jours, voire les heures avant l'événement qu'ils préparent depuis des mois et des années même pour certains. Pas question de bâcler sa préparation. À chacun sa technique, à chacun son programme en fonction des objectifs à atteindre et des performances à réaliser. Hier, un petit groupe d'une quinzaine de trailers avait rendez-vous à Petite-Île, plus exactement à Grand-Anse, pour un stage mis en place par Experon Performance, la société d'un fidèle du Grand Raid passé maître être dans l'art du dépassement de soi. Pascal Blanc et le réunionnais d'adoption n'étaient pas seuls. Loïs Mussard a prodigué des conseils. Habile de ses pieds, solide sur ses jambes, Alain Ferdinand est un conquérant. Originaire de Marseille, il a posé ses valises à Saint-Pierre et s'il avait envisagé de porter les couleurs de la JSSP, c'est finalement sur les sentiers qu'il a jeté son dévolu. 2 ans après, c'est décidé, le voilà fin prêt, prêt à réaliser sa première diagonale. Mais pas si fou, il a décidé d'écouter les conseils des pros de la discipline. Pour échanger avec des hommes d'expérience, donc Pascal Blanc et Antoine Guillon, pour gérer les efforts, se concentrer sur la respiration, puis les techniques de descente. Déjà, avec ça, on peut faire quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien, pas seulement sur le plan sportif. Mon objectif est terminé, je cours en plus pour une association qui s'appelle Guérir d'un cancer, donc voilà, je récolte des fonds et le temps est un luxe. Comme son petit frère, le surfeur Maxime Husneau, Laura a eu un parcours atypique avant de préférer la montagne à la mer. Mais après 1 an et demi de trail, la voilà engagée sur la Mascareigne avec encore quelques petites appréhensions levées à l'occasion de ce stage de préparation. Quand on dépasse une certaine distance, on se dit bon, et si je me blesse, et si mentalement je tiens pas et je peux craquer. Et donc du coup on apprend un petit peu à relativiser. On a l'impression de parler à quelqu'un d'ordinaire alors qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Un reportage signé Loïs Mussard. Et ces contrôles-là, eux, sont devenus ordinaires et de plus en plus courants. Encore une fois, police et gendarmerie ont mené plusieurs opérations ce week-end dans toute l'île. Près de 130 infractions ont été constatées. 24 permis retirés, dont 22 sur le seul secteur de Saint-Gilles hier matin à la sortie des boîtes de nuit. Principale cause, l'alcoolémie, 2,16 grammes par litre de sang. C'est le taux le plus élevé constaté par les forces de l'ordre. La route, on en parle encore avec la réouverture sur 4 voies de celle du littoral depuis hier midi. Elle avait été totalement fermée à la circulation toute la matinée en raison de travaux de purge. Il s'agissait de faire tomber les blocs rendus instables après les incendies de la montagne il y a 10 jours. L'opération a duré 5 heures et a nécessité l'intervention de 6 cordistes. Un travail entamé quelques jours auparavant avec les premières inspections. Et c'est ce que nous dit Clément Bois, directeur de la société spécialisée ROX. On est intervenu sur la demande du conseil régional pour faire une inspection et s'il y avait lieu, procéder à une purge d'urgence pour mettre en sécurité la route et dégager le couloir qui s'est créé suite à cet incendie de tous les blocs instables, rendus instables soit par l'incendie lui-même, soit par l'eau utilisée pour éteindre l'incendie. En fait, les parties végétalisées des falaises et des têtes de falaise ont brûlé, donc c'est les parties arbustives plutôt basses qui ont brûlé. Or, celles-ci ont une fonction de maintien de tous les blocs et en tête de falaise, et dès lors que ces arbustes ont brûlé, et ben on a des blocs qui étaient bloqués, qui ne le sont plus et donc qui sont potentiellement mobilisables, et nous, notre travail, c'est d'éviter qu'ils tombent sur la route. Clément Bois, directeur de ROX, interrogé par Priscilla Etève. Aucune autre intervention n'est prévue sur la route en corniche dans les prochains jours. Il faudra bien installer des filets avant la fin de l'année, mais cette intervention ne nécessitera pas forcément une fermeture de la route. La ville de Saint-Denis, elle, va installer des pièges à rats sur son territoire, notamment sur le Barachois ou à Saint-François. La commune lance à partir d'aujourd'hui une campagne de dératisation et invite les résidents à y participer. Les Dionysiens sont invités à se rendre en mairie pour retirer leur kit de dératisation. Les sports, les footballeurs de la Saint-Pyroise n'ont pas fait de détails hier face à leurs voisins de l'ASC Grandbois. Une victoire 7-0 et qui permet à la JSSP de rejoindre l'Excelsior en finale de la Coupe régionale de France. Ce sera le 23 octobre prochain. Eux aussi ont prouvé qu'ils étaient en forme. Plus de 2000 Gramoun ont participé au challenge des seniors organisé cette année à la Petite Île. Objectif, lutter contre la perte d'autonomie, prévenir les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou encore l'hypertension. Il s'agissait aussi d'inciter les plus de 60 ans à pratiquer une activité physique et régulière. Beaucoup n'ont pas attendu ce challenge. Écoutez-les. On nous fait de la gym, on nous fait de la natation, on nous fait de la marche aquatique, du vélo, on nous fait la malle, dans la gym, on nous fait le bras, la jambe, tout ça là, il fait tapis. Pourquoi tu penses que c'est important de faire du sport? Pour garder la santé, surtout. Ça change tout quand on fait un sport. Hein. Ça change tout pour notre corps, pour tout, pour bouger. Ah oui. Et rajeunir un peu. Ça me rend mieux. Est-ce que ça nous donnera moins mal au dos, moins mal aux jambes? Il dépend, on fera un métier à l'âge, le dos fait mal, même ça. D'accord. Mais j'ai vieilli là, ça va. J'ai mieux, oui. Ah oui, je me sens bien. Dans le paquet. Sans sport, il n'y a pas de santé. Des propos recueillis par Suzette Emma. Acheter ses fruits et ses légumes directement auprès des producteurs, Saint-André a accueilli hier son premier marché pays au parc du Colosse, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. C'est ce que nous dit Jean-Marie Virapoulet, vice-président du conseil départemental et deuxième adjoint au maire de Saint-André. Le marché pays apporte un plus. Il y a près de 30 stands et donc le département apporte sa contribution à cette dynamisation du Colosse. Mais pas seulement à travers le marché pays, parce que le Colosse est un site emblématique de la ville qui doit être renforcée, valorisée. Et il y a une convention qui va être signée bientôt, début novembre, un plan de valorisation et d'embellissement du Colosse qui sera pris en charge par le département en partenariat avec la commune. Nous allons reconfigurer, transformer ce Colosse-là. L'allée royale, qui est l'allée d'entrée aujourd'hui, qui ne paye pas de mine, eh bien, va être totalement revue par le département, embellie, fleurie, aménagée. Jean-Marie Virapoulet répondait à Christelle Floricourt et pour le moment, aucun calendrier n'a été établi concernant d'autres marchés pays à Saint-André. Voilà, c'est la fin de cette édition. Place maintenant aux principaux titres de l'actualité nationale et internationale avec Alexandra Dubouchereau de France Info. Hillary Clinton versus Donald Trump, c'est bientôt la fin du deuxième duel télévisé en public entre les candidats à la présidentielle américaine après une première longue partie consacrée aux récentes révélations sur les propos du candidat républicain sur les femmes. Celui-ci a accusé le mari de sa rivale, l'ancien président démocrate Bill Clinton, d'agression sexuelle. Les échanges ont été tout aussi virulents sur le terrorisme et l'immigration, l'Obamacare, mais aussi la politique internationale, notamment en Syrie. Hillary Clinton, la candidate démocrate, s'est dite en faveur de l'enquête sur la Russie alliée de Bachar al-Assad pour crimes de guerre dans le pays. De son côté, Donald Trump a aussi déclaré qu'il nommerait un procureur spécial s'il est élu pour enquêter sur l'affaire des emails de l'ancienne secrétaire d'État. Les analyses, les décryptages après ce débat dans le 5-7 sur France Info avec Frédéric Carbone, notre correspondant sur place, et en studio Thomas Negaroff, notre spécialiste des États-Unis. Dans le reste de l'actualité, la mort du réalisateur Andrzej Wajda, 90 ans, conteur inlassable de l'histoire polonaise. Il avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 1981 pour le film L'Homme de Fer sur l'épopée du syndicat Solidarnosc. Son dernier film, Povidoki, pas encore sorti en salle, est en lice pour l'Oscar du film étranger l'an prochain. Nouveau bilan en Haïti, 6 jours après le passage de l'ouragan Matthew. On compte désormais plus de 1000 morts. Les besoins en eau, médicaments et abris sont nombreux dans le pays dévasté. Sur France Info, hier, le cofondateur de l'ONG Architecte de l'urgence a lancé un appel aux dons pour reconstruire rapidement des habitations durables et pérennes. Jean-Marc Ayrault reçoit cet après-midi l'envoyé spécial des Nations Unies au Yémen au lendemain du bombardement qui a fait 140 morts et plus de 500 blessés à Sanaa, la capitale. Le ministre des Affaires étrangères a demandé une enquête indépendante. L'Arabie Saoudite est à la tête de la coalition arabe et pointée du doigt par les rebelles chiites Houthis. En Allemagne, la police est toujours à la recherche d'un Syrien de 22 ans soupçonné de préparer un attentat. Deux hommes de son entourage ont été arrêtés à Chemnitz dans l'est du pays et l'un d'eux, également syrien, a été inculpé hier soir. Un policier entre la vie et la mort en France après l'agression au cocktail Molotov samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Cet adjoint de sécurité de 28 ans a été brûlé au visage et aux mains et plongé dans un coma artificiel. Qui sera le prochain prix Nobel d'économie? Réponse aujourd'hui à partir de 11h45 à Stockholm. En réalité, ce n'est pas un Nobel au sens strict puisqu'il s'agit du prix de la Banque de Suède institué en 1968 en mémoire d'Alfred Nobel. Le prix Nobel de littérature lui sera décerné jeudi. L'affiche ce soir en football, 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Bleus jouent à Amsterdam aux Pays-Bas et vont tenter de prendre la tête du groupe A. Coup d'envoi à 20h45. Et grand soleil ce matin sur le barrage chaud et la place de l'hôtel de ville de Saint-Pierre. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Ah, il persiste, il ne nous fait pas faux bon le soleil et il sera encore présent les premières heures du jour jusqu'à la mi-journée au moins sur le littoral et dans les hauts. Ça se couvre un peu l'après-midi sur les hauteurs, notamment celle de l'ouest entre la ravine à Malheur et la Saline. On pourrait avoir un peu plus de grisaille avec pourquoi pas une ou deux averses par endroit et par débordement des nuages qui vont venir jouer les troubles faits sur le littoral eux aussi, mais on gardera une impression de beau temps hein, tout de même sur la côte avec des températures qui vont grimper. On aura 18 degrés au volcan, 23 dans les cirques qui est jusqu'à 30 degrés attendu dans l'ouest sur les plages. Si vous êtes en vacances, c'est le moment idéal pour aller justement vous baigner ou faire farniente. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Le point route tous les quarts d'heure, c'est dans le grand matin. Il est au 22e kilomètre. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire Réunion. Donc il a descendu la route des plaines, il va se retrouver au tampon. Voilà, c'est ça, absolument. Donc rejoindre ce secteur des Florilèges, où on a innové cette année la rue du tampon, qui est généralement inversée pendant les Florilèges, donc c'était plutôt traditionnel, et bien cette année ne l'est pas. Donc la rue du tampon reste dans son sens de circulation. C'est un petit raccourci hein, qui permet d'éviter quelques lacets de la RN3 à partir de la sortie des 600. Et donc la partie là est donc la voie montante pour rejoindre la partie du tampon, et la voie descendante, et bien c'est par la rue Berthaud. Et les deux rues qui sont entre les deux sont fermées à la circulation. Donc voilà ce qui a été mis en place comme dispositif particulier. Alors, il y a un itinéraire de délestage hein, pour éviter donc les embouteillages en passant par terrain fleuri notamment. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout dans le sens montant si vous voulez rejoindre la plaine des Cafres. Voilà, donc ça c'est pendant toute la durée. C'est la foire d'Empoigne un petit peu hein, donc du côté de Saint-Denis à hauteur du carrefour de Belle-Pierre et du carrefour de la rue Tourette, parce que les automobilistes qui veulent redescendre sur la partie basse, étant donné que la rue du Pont est fermée, donc ils sont obligés de revenir passer par le pont Vinsane, de tourner à gauche ensuite au niveau de la rue Tourette, et ça se bloque sérieusement donc à cette hauteur. Voilà pourquoi on a à la fois donc un bouchon depuis la partie basse de la montée U2, mais également des difficultés sur le carrefour de Gibert des Molières, donc qui permet de rejoindre Belle-Pierre. Donc circulation difficile, il y a des gens qui forcent le passage même parce que ça n'avance pas et qui essayent de passer coûte que coûte. Donc soyez respectueux des feux tricolores tout simplement. Il va falloir régler ce problème. Enfin, on est mal parti hein, pour ce début de vacances côté Saint-Denis avec ces travaux sur le pont de la gare Saint-Denis. Quand on a trois ouvrages pour rentrer sur Saint-Denis et qu'on en ferme un, bah, c'est tout de suite la grosse galère. Très bonne route avec la première. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire Réunion. Allez, un petit coup d'œil au tiercé quartier Quintet Plus du jour. L'hippodrome de Feur accueille le prix de la ville de Feur et le fouineur du GIR vous conseille de jouer le 16 Zonguldak, le 7 By Air, le 18 Ultra de Vindesi, le 10 Ungaro Jet, le 8 Vedette Américaine, le 6 Unique Duon, le 9 Torgan MF, le 4 Hugo Durzi. Les pronostics à retrouver dans le GIR du jour. Et 7h15 à La Réunion, dans un instant, c'est l'invité de Grand Matin, Philippe Naillet, député PS. De La Réunion et conseiller municipal de Saint-Denis, à suivre dans Grand Matin tout de suite. 8h-10h, la Coljac avec Jacques Reven. À l'émission des Sinus de Terroir, Sacnouyem. Ah ben là, moi les devant ma rouge à l'âge. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le thème. Partagez vos croyances et légendes. Les gens aient parlé avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La Coljac avec Jacques Reven, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Zatiam devinette? Devinez! Que ça, les gratuites! Les zones 5 à couvert VA et asperazone dans votre pharmacie, ils ne peuvent pas s'en passer, citant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, que ça il est? Ben oui! Si le petit bac ou en sieve pour traiter tout ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I. D'Astri, ou en sieve, ou tri, et ni ramasse. Le saviez-vous? L'eau fait pousser la canne, dont les racines filtrent l'eau. Maintenant, vous savez pourquoi la filière canne-sucre est indispensable à notre environnement. Filière canne-sucre au cœur de la Réunion. La région Réunion lance le POP nouvelle génération. Let's go! Le POP 2. POP 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon POP est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. POP 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon POP 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir de boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Première. Et vous êtes bien dans Grand Matin, c'est l'heure de l'invité à 7h17 avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Ce matin, vous recevez Philippe Naillet, député PS de La Réunion et conseiller municipal de Saint-Denis. Philippe Naillet, bonjour. Bonjour Monsieur Dornier. Demain, à l'Assemblée nationale, vote solennel sur le projet de loi pour l'égalité réelle. Est-ce que ce texte va vraiment faire baisser le chômage et le ramener d'ici 20 ans au même niveau qu'en métropole? Il faut d'abord rappeler que sur l'égalité réelle, lorsqu'on a commencé à parler de l'égalité réelle, lorsque le texte avait été présenté le 3 août en Conseil des ministres, il y avait de la part de nos populations à la fois des attentes et du scepticisme. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que grâce au soutien du président de la République, à l'engagement de la ministre des Outre-mer, mais aussi au travail des parlementaires, nous avons su donner de la consistance à un texte qui comporte un certain nombre de mesures qui corrige certaines inégalités et qui en même temps prépare l'avenir. Vous pensez que le scepticisme est évacué ? En tout cas, on a su donner de la consistance au texte. Je vais prendre quelques mesures pour corriger les inégalités. Vous l'avez vu, sur le quotient familial, très rapidement, sans être trop technique hein, pour nos auditeurs, sur le quotient familial, relever le plafond de ressources des ménages les plus modestes, c'est augmenter le quotient familial entre 72 et 94 euros de plus par mois. Sur la VPF, c'est donner plus de droits donc à la retraite, donc plus de pensions retraite, notamment aux personnes, et je pense notamment aux femmes qui font le choix d'élever leurs enfants. Pour les travailleurs du RSI, travailleurs indépendants, vous savez que depuis 1986, pour un travailleur du RSI, pour qu'il perçoive les prestations familiales, il faut qu'il soit à jour de ses cotisations. C'est une disposition qui ne s'appliquait pas en France hexagonale. Nous avons mis fin à cela. Ça, ce sont un certain nombre de mesures pour corriger des inégalités. Rapidement, préparer l'avenir, c'est quoi ? Dans le dispositif de l'égalité réelle, c'est permettre, encourager la mobilité étudiante vers les pays de la région. On ne peut pas dire aujourd'hui, en longueur de journée, l'avenir de la Réunion, c'est le grand bassin qui nous entoure, et ne rien faire. Et encourager nos jeunes, c'est préparer l'avenir. Sur le plan économique, un certain nombre de mesures, la prolongation de la LODEOM jusqu'au 1er janvier 2019. Concomitamment à cette prolongation, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons un rapport pour évaluer aujourd'hui la pertinence des différents dispositifs qui existent en matière de zones franches d'activité, zones franches urbaines, zones de revitalisation, etc. Parce que vous savez bien qu'il y a un débat aujourd'hui où certains préconisent la zone franche globale. L'URL lui-même l'avait préconisé dans son rapport. Vous êtes favorable à votre niveau ? Moi, je suis favorable à tout ce qui contribue au développement économique. Sauf que je dis, l'économie, c'est pas de l'idéologie, c'est pas non plus de la démagogie, balancer des choses qui font plaisir aux oreilles et qui ne s'appliquent jamais. Il faut aujourd'hui évaluer le dispositif, c'est le choix que nous avons fait. Je dis un mot également sur le logement, parce que le logement, vous savez que c'est un des éléments importants dans le BTP. Sur le logement, nous avons obtenu un certain nombre de mesures importantes, sur notamment quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui est le crédit d'impôt pour la rénovation du logement ancien, du logement social. C'est très important. Je rappelle qu'à La Réunion, vous avez un parc dans l'ancien qui est important, qui mérite une réhabilitation. Nous avons également ces problèmes d'amiante qui se posent de plus en plus. Donc, permettre cela, c'est vraiment une mesure importante. Mais si on ne construit pas d'autres logements, on n'arrivera pas à loger les gens qui sont en attente de logements. On n'a pas réussi à respecter le plan de 5000 nouveaux logements. Qu'est-ce qui ferait que là, ça changerait ? Il faut évaluer les dispositifs et en même temps, il ne faut pas s'arrêter aux difficultés. Réhabilitation, vous avez raison, c'est un problème à part. Mais lorsque nous facilitons également le logement intermédiaire, c'est en rehaussant là aussi le crédit d'impôt, le plafond de ressources, en permettant à d'autres acteurs d'intervenir sur le logement intermédiaire. Qu'est-ce que nous faisons, Monsieur Dornier ? Nous sortons des gens du logement social qui vont aller vers le logement intermédiaire et nous logeons ceux qui sont en attente. Donc, logement intermédiaire, PSLA, rénovation, ce sont des mesures importantes. Donc, et je reviens également sur l'économie, parce que l'économie, c'est important, c'est l'emploi derrière. Nous avons voté quelque chose d'important, qui est de dire que dans la commande publique, il faut qu'un tiers de la commande publique soit réservée aux acteurs locaux. C'est facile, c'est possible de respecter ça aussi ? Bien sûr. Parce que parfois, il y a des contretemps administratif, il y a des contretemps administratifs, mais sur un territoire comme La Réunion, à chaque fois que nous lançons un marché, nous devons d'abord, sans faire de favoritisme, tout en respectant le code des marchés publics, nous devons penser d'abord aux entreprises qui exercent sur notre territoire, qui réinvestissent sur notre territoire. Donc, tout ça pour dire que sur l'égalité réelle, nous avons obtenu un certain nombre d'avancées, et encore une fois, grâce au soutien du président de la République, à la ministre des Outre-mer, Erika Baretsch, et à notre travail, à nous, députés. Mais c'est pas terminé, puisque vous savez que, à côté de ces mesures, maintenant, il faut construire ce qu'on appelle les plans de convergence sur 10 ans, 20 ans. J'allais y venir, justement, à ces plans de convergence qui sont prévus dans le texte. Donc, plans de convergence élaborés entre l'État, les collectivités et les intercommunalités. Erika Baretsch n'y était pas franchement favorable à ce plan de convergence. C'est une idée de son prédécesseur Victorin Lurel. Pourquoi elle a dû céder là-dessus, justement ? Non, je ne sais pas si la ministre a cédé. En tout cas, le plan de convergence figure dans la loi, dans l'article 4, contre l'avis de la ministre. Le plan de convergence figure. Moi, je crois que il fallait prendre un certain nombre de mesures pour donner de l'op. Rendre le texte opérationnel, pouvoir le décliner, mais en même temps, vous savez bien que ces inégalités qui se sont construites quand même, qui se sont accumulées depuis 70 ans de départementalisation, vous ne pouvez pas non plus les corriger en 6 mois, en 9 mois, ni même en un quinquennat. Donc il faut aussi, sans que ça soit non plus trop prolongé dans le temps, sur des délais raisonnables, il faut également retenir un certain nombre de critères dans certains domaines. Je pense à la lutte contre l'illettrisme, je pense au décrochage scolaire, etc. Il faut arrêter un certain nombre de critères, les combler sur une durée courte et évaluer chaque année si on avance ou si on n'avance pas. Une question à partir d'un exemple concret. Ce week-end, 111 conducteurs verbalisés en état d'ivresse, est-ce qu'on peut se contenter d'interdire, comme le prévoit la loi, d'interdire près des établissements scolaires l'affichage en faveur des boissons alcoolisées? C'est un des éléments, mais c'est pas un élément par rapport aux problèmes précis ou le nombre d'infractions. Oui, vous arrivez sur un autre sujet qui est quand même tous ces accidents, toutes ces infractions qu'on relève sur nos routes et qui liées sont terribles. Liées à l'alcoolisme. Liées à l'alcoolisme, qui sont terribles, puisque je rappelle que l'année dernière, il y a eu plus de 50 morts sur les routes réunionnaises. Je crois que c'est un travail global qui est fait de sensibilisation. Les contrôles, ils sont annoncés tous les week-ends, oui, et pourtant, non, mais je pense récurrent. En particulier aux radars pédagogiques, je pense qu'ils ont un intérêt. C'est un travail aussi qu'il faut faire dès le plus jeune âge dans les écoles. Je pense que ça commence aussi dès le plus jeune âge à se sensibiliser. Et puis, bien sûr, les contrôles, parce que tout ça est terrible et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. J'entendais qu'on a arrêté quelqu'un avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. C'est 10 fois ce qui est autorisé. C'est totalement irresponsable. Donc, c'est un travail global qu'il faut continuer à mener. Un mot sur la gestion de la menace terroriste. La semaine dernière, un bagage a été oublié à Gilo. L'évacuation de l'aérogare très mal gérée. Nos confrères du GIR rapportaient le lendemain que les passagers ont été promenés d'une zone à l'autre dans un joyeux désordre. La circulation devant l'aéroport n'a pas été coupée. En plein état d'urgence, qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut dire 2 choses. Il faut d'abord dire que la Réunion est un territoire, même s'il y a un vivre ensemble, c'est un territoire qui n'est pas à l'abri de risques terroristes. Ça, c'est le premier point. Rappeler effectivement aux Réunionnais qui nous écoutent que l'état d'urgence, depuis sa prolongation suite aux attentats du 14 juillet, l'état d'urgence s'applique également à La Réunion. C'est du contrôle, c'est du renseignement. Du contrôle et du renseignement, notamment autour de la zone aéroportuaire, autour du port et même du port de Sainte-Marie. C'est également des contrôles autour des établissements scolaires, etc. Donc, c'est ce travail-là aujourd'hui qui est fait, tout en respectant l'état de droit. Pour répondre de façon plus précise à ce qui s'est passé, c'est toujours regrettable, mais ça a été à l'équipe de l'aéroport de gérer ça de façon plus pertinente pour les prochaines fois, si je puis et dire. Et ça s'est passé 2 jours après un exercice d'évacuation, c'est ça qui peut inquiéter le plus. Mercredi dernier, procès à Saint-Pierre d'un jeune pour vol d'un téléphone portable. Ce procès révèle que ce jeune est fiché S, il voulait partir faire le djihad en Syrie. La lutte contre la radicalisation, ça reste une priorité? Ça reste une priorité, je l'ai dit il y a quelques instants, nous avons à vivre ensemble, mais ça n'exclut pas un certain nombre de risques. Nous avons des populations fragiles, on le sait, chez certaines personnes aujourd'hui qui sont perdues et qui peuvent tomber aujourd'hui, être séduites par des discours faciles, mais en même temps irresponsables, qui pourraient avoir des conséquences terribles. Donc le renseignement reste quelque chose d'important qui aujourd'hui fait dans le cadre de la loi d'urgence et qu'il faut bien sûr accentuer avec des moyens, tout en respectant encore une fois l'état de droit. Une dernière question très rapidement sur la prime à gauche. Est-ce que vous avez choisi un candidat parmi ceux qui se sont déjà déclarés ou vous attendez que François Hollande se prononce? Vous avez donné une partie de la réponse. J'espère que François Hollande sera candidat, puisque je considère très rapidement... Prêt à assumer son bilan alors? Bien sûr, et l'occasion de la primaire sera l'occasion de s'expliquer sur le bilan et en même temps de proposer pour un prochain quinquennat. Moi je considère que François Hollande, dans un contexte très difficile, il a su maintenir notre protection sociale tout en le modernisant, donner de la compétitivité aux entreprises, réduire les déficits, mettre les moyens sur l'éducation nationale. Tout ça n'était pas facile, après une politique quand même qui a été mauvaise, celle de Sarkozy, de par l'endettement, le niveau des déficits, etc., la montée du chômage. On parle du chômage, mais on oublie de dire que il sous Sarkozy... Il n'a pas inversé la courbe du chômage non plus, il n'a pas inversé, c'est vrai, mais attendons jusqu'à mai de l'année prochaine. En tout cas, aujourd'hui, vous avez vu que même si nous avons eu un mois d'août difficile, parce que ça reste quand même compliqué, nous avons stabilisé le chômage, et à La Réunion, par exemple, nous avons créé 5 500 emplois nets dans le secteur marchand l'année dernière. Et vous serez à l'Assemblée nationale demain pour le vote solennel sur l'égalité réelle. Philippe Naillet, merci absolument d'avoir été l'invité de Réunion merci Première ce matin. Dornier. Bonne merci journée. Merci à vous deux, Philippe Naillet, député PS de La Réunion, conseiller municipal de Saint-Denis, délégué à la politique de la ville, que vous retrouverez à 13h30, puisque l'interview, si vous l'avez ratée ce matin, vous pourrez la suivre entre 12h et 14h avec Ingrid. Grand matin continue jusqu'à 8h. 8h, ça sera Jackie qui sera de retour pour la Colle Jacques. Ce sera votre journal aussi à 7h30 hein, avec Cécile Thomas qui vous donnera un point sur l'actualité de ce lundi 10 octobre. Et puis vous continuez à envoyer vos messages 06 92 70 2000. Vous êtes nombreux à le faire depuis ce matin très tôt, depuis 5h, parce que vous réveillez bien sûr avec nous. On salue notamment Thérèse qui est là, on salue Bernard et puis notamment aussi Ludo. Ludo sur 06 92 70 2000. Il grand matin, mi un grand matin et là grand matin, ça va vous permettre peut-être de repartir à la fin de semaine avec votre croisière sur un bateau, croisière musicale, puisque Frédéric Joron vous invite sur son bateau concert avec le Grand Bleu, invité VIP. Deux personnes pourront y partir, à condition d'envoyer votre petit message sur 70 2000 ou encore de liker la fanpage de Facebook, la page Grand Matin, GRN, matin plus loin. C'est comme ça que ça se passe ici, et des cadeaux dès ce matin d'ailleurs, avant 8h, on vous offre vos places de cinéma pour Kubo et l'armure magique. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaélaboudou.com. Alors on va faire un point sur les routes. Tout à l'heure on en parlait justement, c'est compliqué sur Saint-Denis, notamment au niveau du barrage filtrant, au niveau de l'hôpital Belle-Pierre. Yves. Oui, alors donc il y a une double contrainte. Vous avez une rue du pont qui est fermée et la partie haute du pont Vincennes, quand vous tournez à droite vers Belle-Pierre, là vous n'avancez pas parce qu'il y a un barrage filtrant, donc avec le personnel hospitalier toujours donc remonté. Donc la circulation se fait difficilement sur la RD42, de façon très compliquée sur toute la montée U2. Une partie également devant la Redoute, donc pour rejoindre l'échangeur de la montagne, donc pour prendre le pont Vincennes, parce que ceux qui veulent passer par Saint-Denis remontent par là, et donc finalement ils se retrouvent complètement coincés par un pont Vincennes complètement saturé, et surtout une arrivée sur le carrefour de Belle-Pierre complètement bloquée. Donc circulation très difficile sur cette partie ouest de Saint-Denis, avec un bouchon sur la route du littoral qui commence avant la Grande Chaloupe, donc 7 km avant le tunnel du Cap Bernard, voilà pour le début des difficultés. Ailleurs, ça se passe bien. Côté est, c'est roulant. Côté ouest, de côté de Saint-Paul, c'est repassé après la tranchée couverte. On est en haut du viaduc pour descendre sur Belle-Pierre, sur Belle-Maine, pardon, l'échangeur de Belle-Maine. Et puis donc ailleurs, dans le sud, ici, ça se passe également plutôt correctement, notamment cette route des plaines plutôt dégagée et fluide, hein, direction le tampon, avant que la foule des grands jours arrive pour les florilèges. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaélaboudou.com. 7h30, bienvenue à tous. Voici votre journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Des roches qui tombent sur la chaussée, opération de purge hier sur la route du littoral. L'axe était fermé le temps de l'opération. Conclusion, il faudra rajouter un filet à l'endroit où l'incendie avait fragilisé la falaise. Reportage dans ce journal. Une agression de trop à Mayotte. Une octogénaire a été rouée de coups chez elle à Boigny. La population réagit, elle demande plus de sécurité et s'interroge sur cette violence qui s'installe dans le département. Nous l'entendrons. Les florilèges sont lancés au tampon. Les fleurs sont à l'honneur jusqu'à dimanche et l'orchidée fait chavirer tous les cœurs. Et puis le Grand Raid, c'est dans 10 jours. Préparation de pro hier dans le sud avec un ancien vainqueur et des trailers expérimentés. Nous entendrons Antoine Guillon. La route du littoral est ouverte sur 4 voies ce matin, mais hier l'axe était fermé toute la matinée pour purger la falaise fragilisée après l'incendie de la montagne il y a 10 jours. Lundi dernier, l'inspection de la falaise par des cordistes avait révélé certaines faiblesses. Ils avaient dû en urgence détacher les blocs les plus dangereux. Hier matin, la direction régionale des routes a pu opérer des purges plus importantes. Priscilla Etève était sur place. Les roches dégringolent une à une de la falaise et souvent, ce sont de sacrés blocs. Pendant 5 heures, Sylvain Nou et ses 3 autres collègues cordistes, équipés de leur canne à purge, ne ménagent pas leurs efforts. Beaucoup de blocs à faire tomber, ma foi. Ils sont positionnés toujours de façon particulière. Ils se calent, ils se coincent, donc faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et puis, ils sont lourds, surtout. On a nettoyé ce qu'on a pu, mais il en reste toujours. Après, tout ce qui est instable, au moins, nous, notre zone, c'est propre. Pas la chaussée par contre, puisque de nombreux blocs sont tombés dessus pendant la purge. Du coup, c'est au tour de l'équipe d'Éric Christina, responsable des travaux de la route du littoral, de prendre le relais. Ce sont juste des petits travaux d'entretien qui consistent à mettre de l'enrobée à froid sur des impacts. Là, il y a une dizaine d'impacts, mais qui n'est pas non plus trop dommageable pour la circulation des automobilistes. Pendant ce temps-là, dans l'hélicoptère, Clément Bois, directeur de ROX, inspecte la falaise et prend quelques photos. La partie du couloir maintenant, elle est saine, elle est dégagée, purgée de tous ces blocs. Il reste encore que de la terre qui va continuer gentiment à glisser. Avec les pluies, elle va être lessivée, mais par contre, elle n'entraînera pas de dégâts sur la chaussée puisqu'elle va tomber en pied de falaise dans le dispositif d'arrêt et la fosse à bloc. Voilà qui devrait rassurer les automobilistes. Et bonne nouvelle, aucune autre intervention n'est prévue dans les prochains jours. Alors, roulez jeunesse. Et prudemment, un reportage de Priscilla et Thève. Et à cet endroit, il faudra rajouter un filet. Vous l'avez entendu, les roches ont terminé leur course sur la route. Au lieu de chuter derrière les pièges à cailloux, ces filets devraient les garder le long de la falaise et les concentrer donc derrière ces fameux pièges à cailloux. Et attention sur la route du côté de Belle-Pierre avec le barrage filtrant installé sur la route par le personnel du CHU en grève. Soyez prudents dans le secteur. Beaucoup de gendarmes et de policiers pour vous contrôler sur la route ce week-end. Hier, les gendarmes ont effectué pas moins de 330 contrôles dans le secteur de Saint-Gilles et le bilan est plutôt inquiétant. 52 conducteurs alcoolisés, 22 d'entre eux ont vu leur permis de conduire retiré immédiatement et leur véhicule immobilisé. La police donc a également effectué des contrôles ce week-end et ce partout dans l'île. 281 véhicules contrôlés, au final 75 infractions relevées, 11 véhicules ont été immobilisés, 2 permis de conduire ont été retirés. L'actualité nous emmène à Mayotte. Un rassemblement contre la violence a été organisé hier devant la mosquée de Boigny. Les habitants dénoncent de trop nombreuses agressions et souhaitent surtout alerter après l'attaque à son domicile d'une femme âgée. L'octogénaire a été roué de coups par plusieurs personnes qui ont fait éruption dans sa maison. Cet acte gratuit a plongé le village dans la consternation. On écoute ces quelques réactions recueillies hier matin à Boigny. On est là pour que enfin à Mayotte les autorités puissent prendre compte que on ne peut pas tolérer ce genre d'événement là. Malheureusement. Alors, on sait que la gendarmerie mène son enquête. Jusque maintenant, on ne connaît pas trop les avancées. Donc, notre démarche aujourd'hui, c'est de témoigner notre solidarité envers notre grand-mère et aussi de dire aux autorités qu'on est là et qu'on n'accepte pas ça. Ce qui a ému le village, c'est que c'est pas des choses qui se passent chez nous. Une personne âgée comme ça qui n'a rien de valeureux, j'ai envie de dire, que le voleur ou puisse l'agresser à ce point. En plus, c'est quelqu'un qui ne bouge pratiquement pas. Pas particulièrement ce qui se passe à Boigny, c'est surtout ce qui se passe dans toute Mayotte. Donc là, je suis là avec les autres pour voir, pour prier tout ce qui se passe de violence à Mayotte pour que ça cesse, parce que nous, on n'arrive pas à vivre. Des propos recueillis par Zouria Hamza de Mayotte Première. Reconnaître aux 10 leurs différences sans les mettre à l'écart des autres enfants, c'est l'objet de la journée nationale qui leur est consacrée aujourd'hui. Les 10, c'est comme cela qu'on appelle les enfants dyslexiques, dyspraxiques. Ils souffrent de troubles qui les ralentissent en classe, perturbent leur apprentissage, voire leur vie de famille. L'enfant paraît distrait, maladroit, lent. Il semble faire preuve de mauvaise volonté, mais derrière cela se cachent des pathologies comme la dyspraxie, détaillée par Manuela Tingue, secrétaire de l'association Dissemblable. Ceux qui souffrent de la dysphasie peuvent être très maladroits. C'est une maladresse à l'excès. Donc c'est une difficulté de coordination des gestes. Et notamment lorsqu'ils font des exercices au niveau du sport, ils peuvent être très maladroits. Mais tout est une question de coordination. Il faut rééduquer un peu le cerveau. On y arrive. Mais c'est vrai que il y aura toujours ces difficultés. Il ne va pas finir sur le podium. Mais l'essentiel, c'est de valoriser son enfant et de dire qu'il peut y arriver. Il ne sera peut-être pas premier, mais le sport est accessible à tous. Quand on dit maladroit, c'est maladroit comment ? Maladroit, bon, bah, pas plus tard que hier. Donc je vais prendre l'exemple d'un enfant qui était avec nous, qui était à nos côtés. Donc je lui donne 3 pains au chocolat à tenir. Mais comme il en a qu'il y a 2 mains, bah, le troisième a fini par terre.

Florilège, donc peut-être achat de fleurs, Yves, orchidée ou pas orchidée, vous, Yves? Non, oui, toujours. Toujours orchidée. J'en ai plein dans le jardin, donc de toute façon, j'ai pas besoin d'en prendre d'autres, donc ça va. Tout va bien. Mais après, aujourd'hui, il va y avoir la foule, il va y avoir la foule, hein, donc journée gratuite aujourd'hui, donc sur le parc de Cambières, donc la circulation risque d'être un petit peu chargée à hauteur de ce centre-ville du Tampon avec ce plan de circulation spécifique, donc et en plus qui change par rapport aux autres années. Attention, donc la rue du Pont est restée dans son sens normal. C'est la rue Berthaud qui vous permet de descendre, et puis les deux rues qui se situent entre ces deux artères, eh bien donc sont fermées totalement à la circulation. La rue Hubert de Lille, bien sûr, toujours fermée, donc est en zone piétonne pour la braderie qui se déroule en même temps, donc et un peu plus bas, donc au niveau de la rue de Paris. La rue de Paris est également fermée à la circulation pour accéder à la zone des 400 et à la fête foraine. Voilà, donc un meeting art de délestage vous est proposé par terrain fleuri, notamment si vous revenez les hauts. La circulation plutôt correcte sur cette partie sud, là, pas de souci pour rejoindre Saint-Pierre. Il y a un petit peu de monde quand même vers le rond-point de la Caffrine en ce moment, début de la déviation nord-est de Saint-Pierre. Et puis donc pas de changement pour la route des Tamarins, toujours juste à la sortie de la tranchée couverte en haut du viaduc. Voilà pour le début des ralentissements. Sur la route du littoral, par contre, on est virage de Ravine à Manœuvre, on perd 11, 9 km avant le tunnel du Cap Bernard. Toujours des grosses difficultés dans la montée U2 et l'accès à Belle-Pierre très difficile. Je rappelle que la rue du Pont est fermée, et sachant qu'en provenance de l'est, la circulation est plutôt roulante. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire Réunion. Et avant 8h, il va se passer plein de choses dans la matinale. Grand matin, avant 8h, je vous fais gagner vos places de cinéma pour aller voir Kubo et l'armure magique. Et tous ceux qui s'inscrivent actuellement par SMS au 06 92 70 2000 avec le petit mot d'ordre, hein. Miam grand matin, avec votre message derrière. Eh bien, vous pourrez participer tout à l'heure à ce jeu et on fera un petit tirage au sort. Et peut-être vendredi que l'un ou l'une d'entre vous, autant par SMS que sur la page Facebook, donc continuez de liker la page fan parce qu'on a un objectif, hein, 1100 fans à atteindre. C'est l'objectif qu'on atteint tous ensemble. Continuez parce que samedi, je vous offre avec Réunion Première et le Grand Bleu, le bateau concert avec Frédéric Joron. Vous partirez en croisière musicale. Vous serez les invités VIP de ce concert, comme ça, au coucher du soleil. C'est peut-être pour vous en amoureux. Tout ça, ça se gagne maintenant sur Facebook et sur le canal SMS au 06 92 70 2000. Le zapping aussi arrive. Et puis avant 8h, je vous cale aussi le dernier Bruno Mars. Ah ouais, très gros morceau, hein, qui va arriver là prochainement. Et on vous le passe sur Réunion Première. Wisdom, hors du time. Mots dans les hauts, assise dans la forêt. Causer des vides, l'eau qui a fait l'amour. N'a aussi dans les bas, sous pied fil à hauteur. Mais la folle au col, encore plus côté bon Dieu. Il faut m'y monter pour voir. Il faut m'y monter pour voir. Ça peut importe le time. Ça peut importe le time. Et puis rien à foutre du temps et de l'heure. Moi la papé a fait noir. Moi la papé a fait noir. Mille hors du time reste calme. Dans les hauteurs des montagnes. Hors du time reste calme. Dans les hauteurs des montagnes. Les ennemis la semaine, il faut m'y oublier. En plus, chéri, que t'es moi, faut m'y apprécier. Un bon moment pour moi, pour être vraiment libre. Oublie draga la zone. Et puis, cause des bons et vraies manières de vivre. Retrouve les vrais valeurs, franchement. C'est un moment pour m'y vivre pleinement, donc pas besoin de oui. Reste cool, c'est good, good, good, good. Mille hors du time, reste calme. Dans les hauteurs des montagnes. Hors du time, reste calme. Dans les hauteurs des montagnes. Racine moquée, trop de bouillie. Y'a trouve la source, les souris. Problème l'état, il rend folie. Ma trouve le manier dans son lit. Là-haut, là-haut. Là-haut, là-haut. Vous êtes bien sur Première Wisdom, hors du time. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui se réveillent. Bah oui, c'est les vacances pour certains et certaines. Profitez-en bien. Vous restez là. On va tout à l'heure aller voir Pascal Rizzo pour Connect Première. On parlera de Yahoo qui joue les espions pour l'FBI. Il y a le zapping qui arrive. Et puis vos places de cinéma à gagner. Ça se passe maintenant sur le canal SMS 70 2000 et sur Facebook. Vous likez la page Grand Matin et vous repartez avec votre double invité ciné avant 8h. Devant la réunion, Gaël Le Dantec. Il est au cœur d'un des sujets polémiques. Moi, je souhaite un rééquilibrage du territoire. Il aura la lourde tâche de convaincre les électeurs de gauche. Moi, encore une fois, comme pour le parc, je vous dirais. Conseiller que... municipal d'opposition à la mairie de Saint-Denis. On est une richesse supplémentaire, mais on est aussi une. Devant la réunion, le magazine politique de la rédaction, tous les lundis à 18h15 sur Réunion Première. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Première. Alors, parfois, vous allez sur Google ou encore sur Yahoo pour chercher des informations sur Internet. Eh ben, Yahoo a joué les espions pour les services secrets, hein, et notamment le FBI en Amérique. Et vous allez vous savoir pourquoi maintenant avec Pascal Rizzo. Connect Première. Bonjour, si l'on avait l'esprit un peu complotiste, on pourrait penser que quelqu'un essaye de détruire Yahoo, l'entreprise phare des années 90, qui par la suite a perdu 90% de sa valeur en bourse et qui se cherche un repreneur d'urgence. C'est comme par hasard à ce moment-là que ressortent des vieux dossiers, dont cette histoire de piratage de quasiment tous les comptes email Yahoo dont on a parlé tout récemment, ça remonte à 2012. Maintenant, c'est un autre coup de massue qui vient de tomber. L'entreprise aurait élaboré début 2015 un programme qui aurait scanné toutes les données des emails de ses utilisateurs pour les transmettre automatiquement au FBI s'ils contenaient certaines chaînes de caractères. Yahoo serait donc allé au-delà du rêve le plus fou des agences de renseignement et aurait fait plus que certains de ses confrères qui se sont contentés de laisser des portes dérobées ouvertes pour ces agences ou qui se sont positionnés ouvertement contre l'idée d'espionner leurs clients. D'ailleurs, dans la foulée, et Microsoft et Google ont tenu à annoncer que de leur côté, ils n'avaient jamais mis en place ce genre de système. Bref, Edward Snowden avait quand même bien raison et Yahoo aurait été le pire des acteurs du secteur en la matière. Et c'est à la suite d'ailleurs de cela que Alex Stamos, alors responsable de la sécurité des systèmes d'information, pour marquer son désaccord, avait démissionné en mai 2015. Suite à cette révélation, l'Europe a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et en l'occurrence, c'est en Irlande que ça va se passer puisque c'est là que désormais est basée la protection des utilisateurs de Yahoo en Europe. Pour sa défense, la firme pourra brandir la demande du FBI validée par un juge qui arguait qu'un groupe de terroristes à l'époque utilisait son service d'email pour communiquer. Mais aussi ses conditions d'utilisation, vous savez, ces pages et ces pages et ces pages de conditions que personne ne lit, et où il est pourtant spécifié que Yahoo peut partager des données personnelles pour répondre aux assignations et injonctions d'un tribunal. Quoi qu'il en soit, l'image de la firme est encore bien ternie, alors que Verizon réfléchit encore avant de mettre sur la table 4,6 milliards de dollars pour racheter Yahoo. Affaire à suivre. Belle journée. Allez, ce matin, vous avez promis de vous faire gagner des cadeaux. Ça se passe sur le 06 92 70 2000. Vous avez ce numéro SMS à votre disposition, bah, tout simplement pour nous envoyer des petits messages. Ça nous fait plaisir de rejoindre la grande famille de Grand Matin. Vous rejoignez cette communauté aussi sur la fanpage de Facebook. Nous, on fait un petit tirage au sort parmi tous ceux et toutes celles qui ont envoyé leur message ce matin. Autant sur Facebook, on salue Fred, Sassa ou encore Marie qui l'ont fait ce matin sur la fanpage. Et continuez d'augmenter cette fanpage de Facebook parce qu'aujourd'hui, on vous fait gagner des places de cinéma, certes, mais tous ceux et toutes celles qui vont se rajouter comme fans cette semaine et qui vont jouer par SMS, eh ben, vont pouvoir aller dans la grande urne de tirage au sort et repartir avec peut-être leur croisière musicale au son de Frédéric Joron avec le Grand Bleu. Ça sera ce samedi, on vous l'offre pour deux personnes, donc vous et la personne de votre choix. Ça, c'est cool. On va accueillir Maggie, déjà, Maggie de Sainte-Suzanne. Salut Maggie. Bonjour. Maggie qui travaille dans une collectivité à Saint-Denis. Mais on travaille aujourd'hui ou c'est les vacances? Je travaille. Aïe, ok. Non, pas de vacances, donc il y a des marmailles? Oui, trois. Donc les marmailles sont en vacances? Oui. Et vont vous allez vous lever? C'est pas, bah oui, c'est bien obligé. C'est pas cool, hein. C'est pas cool, on a envie de rester au lit aussi. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tout, pendant les deux semaines, c'est travail-travail ou il y a une petite semaine de vacances? Une semaine de vacances. Ah, donc la semaine prochaine, oui. Vous allez pouvoir rester au lit. À cette heure-là, vous serez encore au lit. Oui. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien. Bon, Maggie, il y a des marmailles, ils ont quel âge? 16, 11 et 8. Bon, il va falloir choisir, mais je pense que pour le petit de 8 ans, c'est le petit ou la petite? La petite. La petite de 8 ans, Kubo et l'armure magique, ça vaut le détour. Hein, c'est, oui. C'est le dernier dessin animé à la mode. Et on vous l'offre, vous, avec donc la petite qui s'appelle Mélanie. Eh ben, c'est pour Mélanie et pour vous, Maggie. Voilà, deux invitations cinéma. Mais ben, il n'y a pas de problème et vous êtes automatiquement qualifié pour le tirage au sort de vendredi. C'est chouette. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite bon courage. Merci, bisous. Salut Maggie. Au revoir. Il s'en passe des choses sur cette radio, hein. Eh oui, Claudio, encore Claude Montané. Et quand on sait plus dire, ben on sait plus dire. Et parfois, quand on n'a rien à dire, eh ben on a vraiment, vraiment rien à dire. Re-ready. D'accord. Oh là là, non, c'est signé Jean-Gilles Morel. Trop fort. Big up. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va? Va bien. Tu nous appelles pour une chanson? Oui. Quelle chanson? N'importe laquelle. Bon ben Maroden, pour vous alors. Bon, au revoir. Voilà. Mmh. Voilà. Je tiens ici à souligner que le gouvernement travaille. D'accord. Ben. Comment les usagers prennent-ils la chose? On écoute quelques réponses. Bah, c'est bien. Bah, c'est meilleur. Bah, c'est mieux. Ouh là là là là. On parle souvent des valeurs du sport, mais le judo est certainement l'une des disciplines le plus régulièrement. Ouh là là là là. Bon. Et la fille tombe. Où ça, Oléola? C'est Suzanne. Et donc? Il tombe la pluie. Oui, et alors? Ça va. Ça arrive, ça va, nana. Vous êtes venu gratuitement ici à La Réunion? Mais vous essayez de me dire qu'on m'a payé là pour venir ici? C'est la question que je vous pose. Aïe! La bitch! La bitch! La bitch! Quelques secondes, rappel du pronostic du fouineur du jouir. Du gir, pardon. Ça m'allait bien le passage, là, parce qu'il fait gris, là. Ben. Ouais, ça qui est bien dans le zapping, c'est qu'on retrouve des petits moments comme ça sympas. Pascal Souprayen, c'est un tireur d'élite. Hein. C'est un tireur d'élite, Pascal Souprayen, avec G. Salut Gibril Cissé. Bonjour Mickaël. Salut Jackie, ça va? Ça va très bien, week-end. Merci. Passez un bon week-end. Bon. Gaïa. Validos, alors. Bien en forme aujourd'hui, okay. Pour cause et Sacnouyem entre 8h et 10h ce matin. Ouais. Et puis en première partie. On aura Christian Kishnapanaïdou avec nous. Il y a des passionnés de l'histoire de La Réunion, des objets anciens également. Alors ce matin, nous va cause de bonnes goûter que nous te trouvons dans la boutique Longtemps. Mmh. Mais dit boutique Longtemps, il peut être boutique chinoise, enfin la boutique en général. Bonbon cravate, bonbon la route, bonbon de miel, bon baigné de pain, oui. Que ça t'aime. Que ça y trouve, pisodi dans la boutique là, mes enfants. Ça mange Berthen Makatia. Ouais, c'est ça. Ouais. On en saura plus entre 8h et 10h, mais c'est vrai que ça rappelle des souvenirs, ça. Hein. Ça rappelle le moment où on était marmaille, ouais. On allait à la petite boutique. Il y a de moins en moins de boutiques chinoises, c'est vrai. Ça volait aussi, hein. Hein, t'es ça vole 6-7 de la boutique à la France. Ouais. Hein. Toi? Pas moi. Non. Excusez-moi, Catherine. Mais alors. Non, c'était pas lui. C'est pas lui, Catherine. Bisous, Catherine. Bisous. 24 Carat Magic, c'est le tout dernier Bruno Mars, c'est pour vous. Showed up, I'm wearing pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money, money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the Le clip a déjà été visionné plus de 13 millions de fois sur YouTube, c'est un carton. L'album sortira le 18 novembre prochain, s'appelle 24 Karat Magic. Et on vous l'offre sur Première, Bruno Mars, si vous aimez. Bah nous en tout cas, on commence à aimer. Et c'est ici que vous l'avez entendu, peut-être pour la première fois. Allez, on va en file sur la route avec Yves Brouillet. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Vous êtes au 12e kilomètre et pendant les vacances, on va faire un point florilège avec le trafic là-bas, hein, au tampon. Oui, à cette heure-ci, c'est encore tranquille, ouais. Hein, donc ce sera un peu plus tard. Faut que le parc ouvre, etc., que les forains se mettent en place. Mais enfin, ça y est, déjà, de toute façon, la rue Berdelille est déjà fermée à la circulation. De part et d'autre du rond-point des Chandelles. Attention donc au plan de circulation, spécifique une nouvelle fois cette année. Vous descendez par la rue Gilberto, vous montez par la rue du Tampon ou par la route nationale 3 et éventuellement par terrain fleuri pour éviter le secteur des florilèges si vous ne faites que traverser le Tampon notamment. Voilà donc attention, les places de parking ne sont pas toujours évidentes également à trouver, donc pensez à vous garer correctement, il y a quand même des riverains qui veulent sortir de chez eux. Des petites consignes, ça va mieux sur le réseau routier, notamment dans l'ouest. Alors il n'y a plus de bouchons à Saint-Paul, ça c'est la très bonne nouvelle, donc effet vacances, ça roulait dans l'est, il n'y a pas eu de problème. Et puis par contre, alors attention, un bouchon sur la route du littoral depuis la Possession, là ça va quand même moins bien pour aborder Saint-Denis. Là, l'autre bonne nouvelle, c'est que ça va mieux sur le pont Vinsan, en tout cas la montée U2 est un peu moins chargée, le pont Vinsan est encombré que de moitié, ça roule toujours sous la tranchée côté montagne, côté mer c'est toujours très difficile, une partie ouest d'ailleurs du boulevard sud qui reste encore assez difficile, hein, donc soyez patients, n'oubliez pas que la rue du pont est fermée pendant toutes les vacances, c'est jusqu'au 20 octobre, c'est le pont de la rivière Saint-Denis en face de l'église de la Délivrance, très bonne route avec la Première. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. À demain Michael et bienvenue à La Réunion, c'est l'heure de s'informer, il est 8h. Et le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Inilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Dysphaxie, dyslexie, dyspraxie, autant de termes pour définir les difficultés que rencontrent certaines personnes dans l'apprentissage d'une langue ou la pratique d'un sport. La journée nationale des 10, c'est aujourd'hui et ça se passe à Saint-Benoît. Des dispositifs pour lutter contre les rats bientôt installés sur le Barachois. Saint-Denis lance à partir de ce lundi une grande campagne de dératisation. Restez dynamique mais ne surtout pas prendre le risque de se blesser. Antoine Guillon livre ses conseils à 10 jours du départ du Grand Raid. Le lauréat de l'édition 2015 co-animait un stage hier à Grand-Anse. Et puis en football, la JSSP et l'Excelsior ont obtenu ce week-end leur ticket pour la finale de la Coupe régionale de France. Un match à disputer le 23 octobre prochain. Aujourd'hui, le 10 octobre, c'est donc la journée nationale des 10, dysphaxie, dyslexie ou encore dyspraxie, et des troubles de l'apprentissage assez mal connus du grand public. Et justement, depuis mercredi, une caravane parcourt l'île pour sensibiliser la population.